les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. On aime bien une fois, affirme le comte de Monte Cristo. Soupire, sans doute, le comte de Monte Cristo. Nous pouvons aimer le roman d'Alexandre Dumas et Auguste Maquet, plusieurs fois, le relire donc, et entendre plusieurs adaptations radiophoniques de ce roman de l'injustice et de la justice en marche. Amour, jalousie, projet ruminé mille fois de vengeance. Depuis 7 ans qu'il est tombé dans les oubliettes, il a eu le temps de repasser toutes les évasions célèbres du temps, et bien peu, il le sait, ont réussi. La sienne, son évasion, réussira, comme on le sait, dans cette version théâtrale, comme dans les autres versions, une captation réalisée par France Culture au Festival de Provins et diffusée pour la première fois le 4 juillet 1965. Pour commencer, comme toujours, nous attendrons, innocemment, le retour du pharaon. Mesdames et messieurs, dans le cadre du 6e Festival d'art dramatique de Provins, l'ORTF présente, retransmis depuis le Théâtre des Remparts, le Comte de Monte-Cristo, d'Alexandre Dumas et Auguste Maquet. Adaptation en 5 actes de Jean-François Noël et Jean Rougerie. En voici la distribution. Jean-Claude Drouot, Edmond Dantès, Monte-Cristo. Nathalie Nerval, Mercedes, Madame de Morcerf, Louis Herbessier, Danglars, Jean Brassat, Fernand Mondego, Jean Saudray, Cadrousse, Philippe Kellerson, l'abbé Faria, Hubert Delaparent, Villefort, Pierre Garin, Bertuccio, Raoul Delfos, Morel, Jean Rougerie, l'inspecteur des prisons, et Valévaldi, Alain Genet, Pierre Lefebvre, Michel Chassin, Michel Paulin, André Chanal, Jenny Bellet, Liliane Patrick, Frédéric Vildan, Monita Derieux, Lucienne Trocca et Denise Perrault. Mise en scène de Jean Rougerie. Le texte de présentation est de Max Joly. Avec et derrière les trois mousquetaires, le comte de Monte Cristo est, de tous les romans d'Alexandre Dumas père, celui qui a, dès sa parution, obtenu le plus grand succès. Il continue d'ailleurs à perpétuer dans le monde entier le renom de son auteur. Dumas donnait, pour leur porter chance sans doute, aux journaux éphémères qu'il a créés au cours de sa vie, des noms qui rappelaient ses meilleures réussites. Il y eut le Mousquetaire, il y eut le D'Artagnan, il y eut aussi le Monte Cristo. Mieux encore, lorsqu'il put réaliser un de ses rêves et faire construire près de Marly-le-Roi son château, il le nomma Monte Cristo. Ce n'était que justice, puisque ce furent les droits de son roman qui lui permirent de devenir, momentanément, châtelain. Alexandre Dumas devait être particulièrement heureux du succès du comte de Monte Cristo, car il avait, dans Edmond Dantès, peint l'homme qu'il rêvait d'être lui-même et qu'il pensait être en partie d'ailleurs. Un homme doué pour l'amour, possesseur par une sorte de don de Dieu d'une fortune énorme qui lui permet de payer non seulement ses dettes mais celles des autres, et d'être une sorte d'archange de la justice et de la vengeance. Dans le roman, Edmond Dantès promène partout Haïdée, l'esclave grec, avec un certain souci, semble-t-il, d'épater le badaud, et pendant ce temps, Dumas traîne avec lui sur les boulevards Zirzabel, alias Émilie Cornier, une petite théâtreuse qu'il a déguisée en officier de marine et que l'on n'appelle plus que l'amiral. Transporter le comte de Monte Cristo sur la scène, Alexandre Dumas ne pouvait manquer d'y penser lui-même. Il en fit donc une adaptation théâtrale en 4 pièces de 5 actes chacune, et l'ensemble se jouait en 2 soirées, 2 longues soirées. Vous pensez bien d'autre part qu'un tel sujet devait tenter les troupes foraines et les directeurs de théâtre de quartier. Et l'on a pu assister, dans la suite des années, à toute une série, non seulement de démarquages et de plagiats, mais de tripatouillages parfois délirants. Dans l'un d'entre eux, par exemple, Danglars, enfermé dans son propre coffre-fort, meurt d'une indigestion de billets de banque dont il se nourrit au sens le plus commun du mot. Ne craignez rien. Vous ne risquez pas de trouver de telles inventions dans l'adaptation que vous allez entendre. Jean-François Noël et Jean Rougerie se sont efforcés au contraire de respecter rigoureusement le scénario et l'esprit de l'œuvre de Dumas, tout en lui donnant les dimensions d'un seul spectacle. Vous allez voir qu'ils y ont parfaitement réussi et qu'ils ont su garder la couleur et cette impression de richesse que donne toujours Dumas et que la schématisation pouvait détruire. À vous, qui n'allez qu'entendre, il manquera évidemment la richesse des images, l'ampleur des mouvements et ces éléments spectaculaires auxquels le théâtre de plein air dans les remparts du vieux Provins fournit un cadre exceptionnel. Je pense entre autres choses à l'arrivée à quai du Pharaon, toute voile dehors, à cet instant dramatique où les geôliers précipitent du haut de la tour Edmond Dantès, enfermé dans un sac, et aussi aux farandoles et aux feux d'artifice du carnaval romain. Edmond Dantès, c'est Jean-Claude Drouot. Beaucoup de gens qui ne voulaient voir en lui que Thierry Lafronde l'attendaient là comme bandit à l'orée d'un bois. Vous allez pouvoir vous rendre compte, et ceux qui l'ont vu l'ont pu davantage encore, qu'il n'est pas simplement une vedette, mais un vrai comédien riche de promesses. Il faut ajouter qu'il est entouré et soutenu par d'autres vrais comédiens, parmi les meilleurs et les plus sûrs, Louis Arbessier, Nathalie Nerval, entre autres. Mais il faudrait tous les citer. Quand la pièce débute, nous sommes à Marseille, sur le port, en février 1815. Grande animation, on attend le retour du pharaon, dont Edmond Dantès est le second. Il y a là, entre autres, M. Morel, l'armateur, mêlé à la foule. Mercedes paraît, mais Fernand Mondego, qui la suit, l'arrête près de l'auberge de Pamphile. Voyons, Mercedes! Pâques va revenir! C'est le moment de nous marier! Répondez-moi. Je vous ai déjà répondu 100 fois. Eh bien, répétez-le encore! Répétez-le toujours, pour que j'arrive à le croire! Dites-moi, pour la 100e fois, que vous refusez mon amour! Faites-moi bien comprendre que vous vous jouez de mon bonheur, que ma vie et ma mort ne sont rien pour vous! Je vous l'ai toujours dit, Fernand, je vous aime comme un frère. Mais n'exigez pas de moi autre chose que cette amitié fraternelle, car mon cœur est un autre. Oubliez-vous que c'est pour les Catalans! Une loi sacrée de se marier entre eux! Vous vous trompez, ce n'est pas une loi, c'est une habitude. Contentez-vous de mon amitié, c'est tout ce que je puis vous promettre. Et cette promesse-là, je suis sûre de pouvoir vous la tenir. Écoutez-moi, Mercedes. Je tenterai fortune. Vous me porterez bonheur. Je deviendrai riche. Et je puis entrer comme commis dans un comptoir. Et puis qui sait, devenir marchand. Soyez raisonnable. Fernand, vous êtes un soldat. Et si vous restez catalan, c'est parce qu'il n'y a plus de guerre. Demeurez donc pêcheur et ne faites pas de rêves qui rendraient votre condition plus difficile encore. Eh bien, Mercedes, vous avez raison. Je serai marin. Je porterai, au lieu du costume de nos pères que vous méprisez, une chemise rayée, un chapeau verni et une veste bleue avec des ancres sur les boutons. N'est-ce pas ainsi qu'il faut être habillé pour vous plaire ? Que voulez-vous dire ? Je ne vous comprends pas. Je veux dire, Mercedes, que vous n'êtes si dur et si cruel avec moi que parce que vous attendez quelqu'un qui est ainsi vêtu à bord d'un bateau dénommé le Pharaon. Mais sachez-le bien, Mercedes, si celui que vous attendez n'est pas inconstant, la mer peut l'être pour lui. La mer est perfide. Et depuis 4 mois qu'il est parti, j'ai compté bien des tempêtes. Ne vous laissez pas aller ainsi à de mauvaises pensées. Je vous l'aurais dit pour la dernière fois. J'aime Edmond Dantès. Et nul autre qu'Edmond ne sera mon époux. Et vous l'aimerez toujours? Tant que je vivrai. Mais s'il est mort? S'il est mort, je mourrai. Voilà le pharaon! Voilà le pharaon! Oh, Bonjour, mon cher ami. Bonjour, monsieur. Eh hey. Bonjour, monsieur Dantès. Bonjour, pompier. Bonjour, pompier, bon oeil. Oui, oui, ça se monsieur Dantès. Voyons les papiers du pharaon, voulez-vous? Et voici. Oui. Merci. Mais c'est bien, tout est en ordre. Ces messieurs de la douane peuvent monter à bord. Mais dites-moi, Edmond, où est le capitaine Leclerc et que se passe-t-il? Le pharaon a un air de tristesse qui m'inquiète. Il nous est arrivé un grand malheur, monsieur Morel. À la hauteur de Civitavecchia, nous avons perdu le capitaine Leclerc. Comment cela est-il arrivé? Serait-il tombé à la mer? Non, monsieur. Après 3 jours d'horribles souffrances, une fièvre cérébrale l'a emporté, ce qui nous a tous consternés. Et vous lui avez fait les funérailles ordinaires? Oui, monsieur Morel. Il repose doucement au fond de la mer, enveloppé dans son hamac avec un boulet de 36 au pied et un à la tête. Ah, que voulez-vous, Edmond? Cette histoire est bien triste, mais enfin, nous sommes tous mortels. Allez, voyons le chargement. Et justement, voici monsieur Danglars, votre comptable, qui pourra vous donner là-dessus tous les renseignements souhaitables. Quant à moi, monsieur Morel, avec votre permission, je vais saluer mon père et quelqu'un qui devrait m'attendre avec non moins de patience que lui. Mercedes! Edmond! Mercedes! Ma Mercedes bien-aimée! Edmond! Je savais bien que tu ne m'avais pas oublié! Ah, le démon! C'est bien lui qu'elle attendait! Mon cher Edmond! Mon enfant! La joie de te revoir, le saisissement. Il me semble que je vais mourir. Remettez-vous, mon père, de ce voyage, je reviens riche. Et s'il est vrai que notre voisin Cadrousse a dû vous prêter de l'argent parce que vous en manquiez, désormais, vous ne manquerez plus de rien. Et je veux que vous ayez, mon père, une petite maison avec un jardin pour planter vos clématites, vos capucines et vos chèvrefeuilles. Ah, je n'avais pas remarqué que nous étions trois. Qui est-ce, monsieur? C'est Fernand. Fernand Mondego, le fils du frère de ma mère. Monsieur sera votre meilleur ami un jour, car c'est mon ami à moi. C'est l'homme qu'après vous, j'aime le plus au monde. Ne le reconnaissez-vous pas? Frère de Mercedes, voici ma main. Fernand! Et alors, nous ne serions pas amis? Oh, tu te trompes, Edmond. Tu n'as pas d'ennemi ici. Tu n'as qu'un ami qui va te serrer la main. Fernand, c'est moi qui vous le demande. C'en est trop. Je ne puis. Adieu. Mercedes. Cet homme nous portera malheur. Oh non, rien ne peut plus nous porter malheur. Puisque tu es là et que je suis à toi. Venez, mon père, et réjouissez-vous de revoir votre fils. J'ai là-bas à Foncal d'excellent café et du tabac de contrebande du pour tabac. Vous. Oh. Oui, allez, venez. Du tabac. Eh bien, monsieur Morel, vous connaissez le malheur. Eh oui, monsieur Danglars, le capitaine Leclerc est mort. Ah, c'est un malheur irréparable. Vous trouverez-vous son pareil pour défendre les intérêts d'une maison d'armateurs aussi importante que la vôtre? Mais je crois que vous exagérez, non pas la perte que nous avons subie, mais la difficulté que nous éprouverons à la réparer, oui. Je connais quelqu'un qui a déjà fait ses preuves et qui fera très bien l'affaire. Alors, si c'est d'Edmond Dantès que vous voulez parler, vous faites erreur. Car il est bien jeune et il ne doute de rien. Savez-vous qu'avant même que le capitaine fût mort, il a pris le commandement du pharaon et qu'il nous a fait perdre une journée et demie à l'île d'Elbe au lieu de retourner directement à Marseille? Eh bien, prendre le commandement du navire, n'est-ce pas son devoir en tant que second du bâtiment? Sans doute, monsieur Morel, sans doute. Mais cette journée perdue par pur caprice et pour le plaisir d'aller à terre. Ah, baissez la flamme! Hein? Un mineur pavillon en berge! Croisez les vergues! Ouais. Vous voyez, monsieur Morel, qu'est-ce que je disais? Il se croit déjà capitaine. Ma parole d'honneur. Eh bien, Edmond, qu'avez-vous fait de votre père et de votre fiancée? Ils visitent le pharaon, monsieur, et sont Toute la joie de m'avoir retrouvé. Ah, surtout Mercedes, j'imagine. Car elle est venue plus de 3 fois me demander des nouvelles du bâtiment. Elle est venue, monsieur ? En personne, peste ! Ah, vous êtes un heureux gaillard. Et vous avez là une jolie maîtresse. Elle n'est pas ma maîtresse, monsieur, c'est ma fiancée. Oui, enfin, quelquefois, c'est la même chose. Pas pour nous ? Bon, eh ben, n'en parlons plus. Allez, je ne vous retiens pas. Edmond, encore une chose. Dites-moi, Edmond, avant de mourir, le capitaine Leclerc ne vous aurait pas remis une lettre pour moi ? Il lui aurait été impossible d'écrire, monsieur. Mais ça me rappelle que j'aurai un congé de quelques jours à vous demander. Ah, pour vous marier, Edmond ? Oui, monsieur, pour me marier, et puis pour aller à Paris. Eh bien, vous aurez tout le temps que vous voudrez. Il nous faudra bien 6 semaines pour décharger et recharger le bâtiment. Nous ne reprendrons pas la mer avant 2 mois. Mais dans 2 mois, il vous faudra être là, Dantès. Le pharaon, vous le comprenez bien, ne pourrait pas mettre à la voile sans son capitaine. Eh oui, je dis bien son capitaine. Son capitaine ? Oh, monsieur Morel, si mes oreilles ne me trompent pas, vous avez répondu là aux plus secrètes espérances de mon cœur. Le capitaine du pharaon ? Mais c'est un rêve ! Eh bien, c'est comme si c'était fait. Mais dites-moi, Edmond, une chose que je voudrais savoir. Et répondez-moi aussi franchement que je vous le demande. Pourquoi avez-vous fait cette escale à l'île d'Elbe ? C'est un secret d'État ? Mais je l'ignore moi-même. Bon, alors, vous vous moquez de moi, non ? Mais loin de moi cette idée. C'était seulement pour accomplir une dernière recommandation du capitaine Leclerc, qui, sur le point de mourir, m'avait remis un paquet pour le grand maréchal. Et vous l'avez vu ? Qui ça ? Ben, le grand maréchal. Et comment va l'empereur ? Mais très bien, monsieur, enfin autant que j'ai pu en juger par moi-même. Et vous lui avez parlé à l'empereur ? C'est-à-dire que c'est plutôt lui qui m'a parlé, monsieur. Et je crois bien que si ce navire eût été libre et que j'en eusse été le maître, son intention était de l'acheter. Mais je lui ai dit que je n'étais que le second et que le pharaon appartenait à ces messieurs Morel de Marseille. Eh bien, Edmond, vous avez bien fait d'exaucer le dernier vœu d'un mourant. Mais si on apprenait ici que vous avez parlé à l'empereur, cela risquerait de vous compromettre. Eh bien, allez, capitaine Dantès, allez annoncer votre promotion à votre père et à Mercedes et ramenez-les promptement. Désormais, vous êtes seul maître à bord, après Dieu. J'y cours. Eh bien, monsieur Morel, j'espère que Dantès vous a donné de bonnes raisons de son mouillage à Portoferraio, la capitale de l'île d'Elbe. D'excellente, mon cher Danglars, d'excellente. J'aurais été navré qu'un si bon camarade ne passe pas bien son devoir. Dantès a fait le sien, Danglars. Et c'est le capitaine Leclerc lui-même qui, avant de mourir, lui avait ordonné cette relâche. Il vous a remis la lettre. Quelle lettre ? La lettre qui accompagnait le paquet. Et comment le savez-vous ? Mais, monsieur Morel, je passais devant la porte du capitaine qui était entrouverte et je l'ai vu remettre un paquet et une lettre à Dantès. Moi, je pensais que cette lettre était pour vous, mais n'en parlons plus, monsieur Morel, j'ai dû me tromper. Oui, c'est ça, n'en parlons plus. Hein. L'ami d'Anglard ! Calouche ! Quelle bonne surprise ! Mais si je m'attendais à te rencontrer sur le port de Marseille ! Ah, tu vois, tout arrive. Et je te croyais à Smyrne, ou dans les bras de la belle Fatma. Ah, le pharaon vient d'accoster, alors je débarque, frais dispo. Et moi, je venais à Marseille pour ajuster du drap marron. J'en manque en ce moment à la boutique. C'est la couleur à la mode de Louis XVIII. Le marron et le cacadois. Cacadois, oui. Viens donc prendre plutôt un coup de rosé avec moi chez Profil. C'est toi qui payes ? Oui, c'est ma tournée. Et Dantès, toujours de ce monde ? Ben, je le quitte. Toujours pas capitaine ? Ben, il en parle comme s'il l'était déjà. De sorte qu'il doit être bien joyeux, tel que je le connais. Ben, joyeux, ça le regarde. Mais depuis que M. Morel lui a plus ou moins promis sa 3e sardine, alors tu peux pas savoir, il est avec moi d'une insolence. Oui, mais ça lui portera pas bonheur. Pardon, messieurs. Qu'est-ce que c'est ? Que demandez-vous ? Je cherche le capitaine du pharaon. Ben, le second, vous voulez dire ? Le capitaine ou le second, peu importe. Celui qui était chargé de la marche du navire pendant la traversée. Ah, ben, il est occupé en ce moment. Mais si je puis le remplacer tout à votre service, mon bon monsieur ? Je voulais lui demander un petit renseignement, voilà tout. Sur quoi, exactement ? Sur la route suivie par le bâtiment. Ah, ben, il peut vous le donner, lui ! Vous ? Oui, je suis comptable à bord du pharaon. C'est bien simple. Je voulais savoir si le bâtiment avait fait escale à Portoferraio. Oui. Merci, monsieur. Monsieur. Oui. C'est tout ce que vous voulez savoir ? Mais oui. Vous ne désirez rien d'autre ? Je ne désire rien d'autre. Monsieur ? Alors voilà un particulier. Oh, il y a quelque chose de louche là-dedans. Allez, à table. Allez, à table. Allez, Pamphile. Fernand, comme d'habitude, t'es la meilleure, hein ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, t'as pas encore fait ? Ah non. Mais ouais, l'ami ! Es-tu donc si pressé que tu n'as pas le temps de dire bonjour aux amis ? Oui, surtout quand ils ont devant eux une bouteille toute pleine. Vous m'avez appelé ? Mais sans doute, je t'ai appelé. Pourquoi ? Et parce que j'ai vu que tu courais comme un fou, et que j'ai eu peur que tu n'allasses te jeter à la mer. Mon Dieu, mon Dieu. Veux-tu que je te dise de quoi tu as l'air, Fernand ? Tu as l'air d'un amant déconfit. Un garçon taillé comme celui-là, tu te moques, Kenos ? Je sais ce que je dis, là. Écoute plutôt comme il soupire. Allô, allô, Fernand, lève un peu le nez, réponds-nous. Ce n'est pas bien aimable de ne pas répondre aux gens bien intentionnés qui vous demandent des nouvelles de votre santé. Ma santé va bien, merci. Vois-tu, Danglars, Fernand, que tu vois là, qui est un brave et bon catalan, comme on n'en fait plus, un des meilleurs pêcheurs du port de Marseille, eh bien, il est amoureux, ça, tout le monde le sait, d'une belle fille qu'on appelle Mercedes. Seulement voilà, la belle fille est amoureuse du second du pharaon. Et comme le pharaon est aujourd'hui à quai, tu comprends ? Ah non, je comprends pas. Tu comprends pas ? Eh bien, monsieur Fernand aura reçu son congé. Oui ? Eh bien, et après ? Comment après ? Sans doute. Mercedes est libre. Mercedes peut aimer qui elle veut. Bon, le pauvre garçon, mais que veux-tu ? Il ne s'attendait pas à voir revenir Dantès aussi vite. Il le croyait mort ou infidèle, que sais-je. En attendant, il épouse Mercedes. La belle Mercedes. Eh bien, messieurs, buvons à la santé du capitaine Dantès, au mari de la belle catalane. Oh, laisse-moi te regarder. Que tu es beau sous ton habit de marin. Et que tu porterais bien tous les uniformes, même celui d'amiral. Ah, tu ne sais pas, Edmond, tout ce que j'ai souffert depuis 3 mois. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de tempêtes. Que de prières au ciel, mon Dieu, dans cette mer, si calme, si tranquille, si joyeuse de ton retour, rugissait en ton absence et venait se briser contre les roches. Oh, mais je crois que je commence à y voir double. Ne dirait-on pas là-bas deux amoureux qui s'embrassent ? As-tu pensé à moi, dis ? Si j'ai pensé à toi, Mercedes ? Mais à quoi veux-tu donc que j'ai pensé ? Nuit et jour, soir et matin, n'es-tu pas ma Notre-Dame de la Garde ? Tu priais Dieu et moi je priais Mercedes. Et maintenant, nous n'avons plus à nous occuper de rien que de notre amour. En vérité, je ne puis croire à notre bonheur. Oh ! À quand la noce ? Ben, tu te tais, malandrin, laissez les amoureux tranquilles. Tiens, regarde un peu, prends un peu exemple sur M. Fernand. Il est raisonnable, lui, M. Fernand. Il a de l'éducation, lui, M. Fernand. Et il se tient, lui, M. Fernand. Ton front, ton cœur, toi tout entière. Que je sache bien que je ne rêve pas. Tiens, Pamphile, tiens. Tiens, paye-toi, c'est pas un spectacle pour nous, c'est pas une chose à regarder, ça allait bien. Viens, viens, Cadrouge. Allez, toi aussi, Fernand. Allez, viens. Viens, mon petit. Allons. Oui, monsieur Morel, regardez-les. Ah, Edmond, vous m'avez demandé un congé pour aller à Paris. Tu vas à Paris ? Oui, je t'expliquerai. Bon, voilà ce que je me suis dit. Écoutez. J'ai pensé, ces enfants ont bonne envie de se marier tout de suite. Oui. Bon, malheureusement, c'est impossible. Il y a des formalités, des exigences, des retards, mais on peut toujours les fiancer. Sans doute, n'est-ce pas, Mercedes ? Eh bien, fiançons-les ! Et quand cela ? Aujourd'hui ! Oui. Aujourd'hui ? Et pourquoi pas tout de suite ? J'ai déjà commandé le repas et chez Pamphile encore. Il n'y a plus qu'à se mettre à table. Mercedes, j'en deviendrai fou ! Il ne faut pas, surtout, peste. Ce serait une grande sottise et puis de toute façon, il est trop tard. Hein. Monsieur Morel, vous êtes notre maître, ou plutôt notre bon génie. Et que faut-il que je fasse ? Rien. Aime et attends. Edmond, te rappelles-tu le pauvre crucifix de bois devant lequel nous avons prié au moment de ton départ ? Oui, eh bien. Il faudra aller remercier Dieu de t'avoir donné un si bon retour. Eh bien, il n'y a plus une seconde à perdre, père Pamphile. Et vous n'aurez même pas le temps de mettre votre habit des dimanches, père Dantès. Allez, vous avez bien du mal à faire votre valeur. Allez, accostez. J'ai invité et je vous emmène. Savez-vous ce que c'est que ça? Du ruban blanc et rouge. C'est la jarretière de la mariée. Toutes mes économies ont passé. Je suis plus jeune, plus d'honneur. Monsieur Morel, vous permettrez, n'est-ce pas, que ces braves gens soient des nôtres? Mais commandant, ne sont-ce point tes compagnons? Dites, mes amis. Eh bien, père Pamphile, la table. Mais il me semble qu'il n'y a rien à dire. Dans 5 minutes, tout sera prêt. 5 minutes, oui. Entendez-vous pas dans 10? Te voilà de retour, le petit. Et comme vous voyez, mon sac à dos est prêt à vous être agréable en quelque chose que ce soit. Merci, merci, mais je n'ai besoin de rien. Et ce sont plutôt les autres qui ont besoin de moi. Je ne dis pas ça pour toi, mon garçon. Je t'ai prêté de l'argent, c'est entendu, mais tu me l'as rendu, et nous sommes quittes. On n'est jamais quittes envers ceux qui vous ont obligés. Et si on ne leur doit plus d'argent, on leur doit encore de la reconnaissance. Ah, ce bon Cadrousse, il nous aime tant. Certainement que je vous aime, et je vous estime encore davantage. Attendu que les honnêtes gens, c'est plutôt rare. Mais maintenant que te voilà riche, garde ton argent pour toi. On n'en a jamais trop. Mais laissez-moi saluer Madame Dantès. Ce n'est pas encore mon nom. Et cela porte malheur dans ce pays-ci, dit-on, de donner aux jeunes filles le nom de leur fiancé avant que ce fiancé soit leur mari. Appelez-moi donc Mercedes, je vous prie. Mercedes, ce n'est pas encore ma femme, c'est vrai. Mais dans 1 heure et demie, elle le sera. Dans 1 heure et demie? Du oui. Mes amis, grâce au crédit de Monsieur Morel, l'homme auquel, après Dieu, je dois le plus au monde, toutes les difficultés ont été aplanies. Nous avons acheté les bancs. Et il y a 2 heures et demie, Monsieur le maire nous attend à l'hôtel de ville. Or, comme 1 heure et quart vient de sonner, je ne crois pas me tromper de beaucoup en disant que dans 1 heure et demie, Mercedes s'appellera Madame Dantès. Eh bien, cela s'appelle-t-il perdre du temps, hein, à votre avis? Demain, je pars pour Paris. 4 jours pour aller, 4 jours pour revenir. Et le 4 mars, je suis de retour. Le 5 mars au plus tard, le mariage à l'église et le véritable repas de noces. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Eh, hey, mon lieutenant est d'ici là. D'ici là? Eh, hey, il n'y aura pas un petit abordage. Oh. Allez, à table, messieurs dames, à table, c'est prêt. Allez. Allons, tout le monde est tard. Allons, papa. Ah. Qu'est-ce que c'est? Lisez, Edmond. Ma commission de capitaine du Pharaon, signée de vous et de votre associé. C'est mon cadeau de noces, Edmond. Merci. Oh, monsieur Morel, mon père... Je n'ai plus de voix ni de parole. Vive le capitaine! Vive Edmond Dantès! Vous voyez, Edmond? Vive notre amiral! C'est le plus beau compliment qu'ils puissent me faire, tous ces braves gens. Monsieur Dantès. Quoi? Oui, il y a là-bas un homme qui veut vous parler. Moi? Oui. Vous irez me parler, monsieur? Vous êtes bien le second du Pharaon? C'est-à-dire, monsieur, que depuis un instant, j'en suis le capitaine. Peu importe. Je me suis informé, monsieur, et j'ai appris que votre bâtiment avait touché à Malte, à Naples et à l'île d'Elbe. C'est vrai, monsieur. J'ai appris en outre que le capitaine Leclerc, qui était de mes amis, est décédé en mer entre Civitavecchia et Portoferraio. C'est encore vrai? Maintenant, monsieur, en tant que successeur du capitaine Leclerc, n'auriez-vous pas été chargé de quelques commissions? Pour quel pays? Pour l'île d'Elbe, par exemple? Oui, monsieur. Et à l'île d'Elbe? Eh bien. N'auriez-vous pas été chargé d'une autre commission? La suite de la première. Pour quelle ville? Pour Paris. C'est vrai, monsieur. Et cette commission n'était-ce point une lettre? Oui, monsieur. Que vous deviez remettre en main propre, rue du Coq et Rond, numéro 5. Numéro 5, c'est exact. À monsieur... Dites la moitié du nom, j'achèverai. Monsieur Noir... Noirtier. Eh bien, monsieur Noirtier, c'est moi. bien, Edmond? Eh bien, monsieur Morel, tous les bonheurs m'arrivent ensemble. Et je n'aurai même pas besoin d'aller à Paris, sans doute. Alors, ne nous quitterons plus? Non, Mercedes, pas une heure, pas une minute, pas une seconde. Oh, ben j'étais sûre de te retrouver au cabaret. Et en bonne compagnie, comme tu peux voir, hein? Naturellement. Cher madame Cadreau, ce n'est pas de ma faute. Si vous n'êtes pas là en face de votre mari, je lui avais dit d'aller vous chercher. Mais je n'ose pas vous répéter ce qu'il m'a répondu. Ah, le champ de gueule aurait été. Mais puisque la bonne fortune vous a guidé chez Panville, allons, venez ici. Prêtes-vous? N'êtes-vous pas notre voisine? Qu'il en soit ici, comme vous allez de Meillan. Monsieur Edmond, madame, si j'avais su... Ah ben, vous êtes charmante. Merci. Avec votre costume d'Arlésienne. Allons, matelots, au refrain pour ma voisine. Les joyeux jusqu'au retour, qui pensera toute la voile. Contre la nuit de vie étoile, contre l'oubli de vie à nous. Gardez-les ici, messieurs. Et non, j'ai peur. Ça sent le brûlé. Enfin, monsieur, que se passe-t-il? Quelque méprise, sans doute, qui vous amène. S'il y a méprise, monsieur Morel, croyez bien que cette méprise sera promptement réparée. En attendant, je suis porteur d'un mandat d'arrêt. Et bien que ce soit avec regret, il faut que j'accomplisse cette mission. Lequel de vous, messieurs, est Edmond Dantès? C'est moi, monsieur. Edmond Dantès, au nom du roi, je vous arrête. Vous m'arrêtez? Pour quelle raison? Je l'ignore, mais votre premier interrogatoire vous l'apprendra. Edmond! C'est mon fils, monsieur. Au nom du ciel, vous devez savoir pourquoi vous l'arrêtez. Enfin, décidément, monsieur, il y a erreur. Ce jeune homme est arrivé seulement tout à l'heure, d'ailleurs. Je réponds de lui. Tranquillisez-vous, monsieur. Peut-être votre fils a-t-il seulement négligé quelques formalités de douane ou de santé. Edmond! Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ben, que sais-je? Moi, je suis comme toi, je regarde. Et je demeure confondu. Edmond! Et mon lieutenant, nous sommes la franc-maclaude, solide gaillard. Vous ne croyez pas que nous pourrions... Pas un mot, pas un geste. Respect à la loi. Capitaine, ça c'est vite fait. Mais non, laissez-moi. Ce n'est rien, nous allons nous expliquer. Mercedes, je te recommande mon père. Et vous, monsieur Morel? Mercedes. Mon père! Ne craignez rien, mon enfant. Mais tout à l'heure, je serai là dans 5 minutes. Dans 5 minutes? Ça m'étonnerait. La prison du Château d'If. Sous un chemin de ronde, deux cachots séparés par un mur très épais. Dans l'un de ces cachots, Edmond Dantès. Dans l'autre, un vieillard, l'abbé Faria. Entre le gouverneur, Baville, l'inspecteur des prisons, et un geôlier. Par ici, monsieur l'inspecteur, par ici. Quel est ce prisonnier? C'est le numéro 17, monsieur l'inspecteur. Et je ne sais vraiment pas pourquoi on nous fait faire toutes ces tournées inutiles. Qui voit un prisonnier en voit 100, qui entend un prisonnier en entend 100 000. C'est toujours le même refrain, mal nourri et innocent, tous innocents, blancs comme neige. Monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît. Oui, c'est pas par là. C'est par ici. Pardon, excusez-moi. Qui est-ce? Celui-ci est un dangereux conspirateur, un homme capable de tout. Et il est seul ici depuis longtemps. Et on nous l'a amené le 28 février 1815, quelques jours avant le débarquement de l'empereur, à 11h30 du soir, pour être précis. Et il est dans ce cachot depuis son entrée au Château d'If? Ah non, monsieur l'inspecteur, non, il était dans un cachot moins sombre. Oui. Mais dans un accès de rage, il a voulu tuer son geôlier, celui-là même, et nous l'avons mis dans ce cachot. Ah. Est-ce qu'il vous a menacé? Oui, monsieur. Voulez-vous qu'on s'en plaît? Oh, c'est inutile, monsieur. D'ailleurs, il commence à le tourner à la folie. Et avant un an, il sera fou tout à fait. Comme son voisin, dénommé Faria, qui se croit à la tête d'un immense trésor. Mais tant mieux comme ça, il souffrira moins. Mon ami. Qui m'appelle son ami? Moi. Vous êtes un homme. Vous m'appelez votre ami. Avez-vous à vous plaindre de quelque chose? J'ai à me plaindre! d'être en prison sans savoir pourquoi. En résumé, que demandez-vous? Je demande quel crime j'ai commis. Je demande qu'on me donne des juges. Je demande qu'on me fusille si je suis coupable, mais aussi qu'on me mette en liberté si je suis innocent. Oh, il y a si longtemps que je suis ici. Il n'y a que quelques mois. Oh, monsieur, quelques mois. Des siècles, vous voulez dire. Sans voir la lumière du jour. Dans un tombeau au fond de la terre. Vous trouvez que ce n'est pas long. 2 mois de réclusion. Pour un homme qui, comme moi, touchait au bonheur. Qui allait épouser la femme qu'il aimait, qui voyait s'ouvrir devant lui une carrière honorable, à qui tout manque à l'instant et qui toujours le plus beau tombe dans la nuit la plus profonde. 2 mois de réclusion, de cellule, pour un homme habitué à l'air de la mer, à l'indépendance du marin, à l'espace, à l'immensité, à l'infini. Oh, ayez pitié de moi, monsieur. Et demandez pour moi, non pas l'indulgence, mais la rigueur, non pas une grâce, mais un jugement. Des juges, monsieur, je ne demande que des juges. On ne peut pas refuser des juges à un accusé. C'est bien, on verra. On verra. On verra. Il a dit que l'on verrait. Monsieur, écoutez-moi avant de m'abandonner. Car on mettra peut-être 4 ans encore à descendre dans ma prison. Souvent, quand j'étais un homme libre, je mettais fin à un épouvantail de ces chambres de prisonniers, composées de vagabonds, de bandits et d'assassins. Eh bien, oh monsieur, j'en viens presque à souhaiter d'être jeté dans quelqu'un de ces bouges, afin de voir d'autres visages que celui de ce geôlier, impassible et muet. Le bagne, monsieur. Je regrette le bagne. Avec son costume infamant, sa chaîne aux pieds, sa flétrissure sur l'épaule. Moi, les galériens vivent dans la compagnie de leurs semblables. Ils respirent l'air. Ils veulent le ciel. Les Galoriens sont bien heureux. Mais enfin, qui vous a fait arrêter? Monsieur de Villefort. Lui supposez-vous quelque motif de haine contre vous? Au contraire, monsieur. Il a été très bon pour moi. Voyez-le. Entendez-vous avec lui. Monsieur de Villefort n'est plus à Marseille. Il a été muté à Nîmes. Ce que vous voulez, c'est que je souffre encore. Oh Dieu, qui êtes mon dernier recours? J'aurais dû malheureux commencer par vous. Et cependant, je n'arrive à vous qu'après avoir épuisé toutes les autres espérances. Laissez-moi mourir, mon Dieu. Mais ne me laissez pas mourir désespéré. Ceci. Ce bruit sourd, mystérieux, insaisissable. J'ai cru déjà l'entendre hier. Il me semble que je l'entends encore. Ah oui, oui. D'où vient-il? Stoppez. De là. Il vient de là. C'était des ouvriers. Ils frapperaient plus fort. Ils n'emploieraient pas trop de précautions. On dirait la pression d'un ciseau sur la pierre. C'est là. Qui parle de Dieu et de désespoir en même temps? Un homme. Oh, j'ai entendu la voix d'un homme. Au nom du ciel, vous qui m'avez parlé, parlez encore. Qui êtes-vous? Un malheureux prisonnier. Votre pays? La France. Votre nom? Edmond Dantès. Ah, je vous connais. Cette pierre qui me reste à déplacer donne donc dans votre cachot. Oui. À quel endroit? Derrière la paillasse. Je puis donc agir? Sans retard. À l'instant même, je vous en supplie. Un homme, un compagnon, un frère. Seigneur, merci. Voyons d'abord s'il nous reste quelque espoir. Sur quoi donne cette muraille? Sur le corridor. Ah, impossible de fuir de ce côté-là. Il y a 3 portes avant d'arriver à la cour. Et cet angle est de granit. Il faudrait 10 ans de travail à 10 mineurs munis de leurs outils pour le percer. Ah, et là? Là, ça donne sur la galerie où se promènent les sentinelles. Vous êtes sûr? Oui, la nuit, j'entends le bruit de leurs pas. Et parfois, des petits cailloux qui roulent sur leurs pieds viennent tomber jusqu'ici. Ah, comme vous le voyez, il est impossible de fuir par votre cachot. Eh bien. Eh bien? Que la volonté de Dieu soit faite. Mais ne pouvez-vous pas recommencer dans un autre sens ce que vous avez fait dans celui-ci? Je serai là cette fois. Je suis jeune. Je suis fort. Plein d'espérance depuis que je vous ai vu. Je vous aiderai. Mais savez-vous ce que j'ai fait, jeune homme, pour me parler ainsi de recommencer? Savez-vous qu'il m'a fallu 4 années pour confectionner les outils que je possède? Savez-vous que depuis 2 ans, pour percer ce tunnel, je creuse et gratte une pierre dure comme le granit? Mais nous pouvons déceler ces barreaux. Tuer la sentinelle. Nous évader. Pour que ce plan réussisse, il ne faut que du courage, vous en avez. De la vigueur, je n'en manque pas, ne parlons pas de patience. Vous avez fait vos preuves et je ferai les miennes. Vous n'avez pas compris de quelle espèce est mon courage et quel emploi je compte faire de ma force. J'ai pu percer un mur et détruire un escalier, mais je ne percerai pas une poitrine et ne détruirai pas une existence. Mais comment, pouvant être libre, seriez-vous retenu par un pareil scrupule? T'es vous-même qui êtes jeune et fort. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? D'ailleurs, depuis bientôt 7 ans que je suis tombé dans ces oubliettes, j'ai repassé dans mon esprit toutes les évasions célèbres. Bien peu ont réussi. Et seule une occasion, si une occasion se présente. Mais venez plutôt dans mon cachot. Nous aurons de la lumière. Dieu merci, nous avons tout le temps. Voilà le soleil qui se couche. Pas besoin que j'allume moi-même. Ah. On vous permet donc d'avoir de la lumière? Je m'en suis procuré avec de la graisse de viande. La mèche est faite avec les filets de mes chemises. Tenez, voilà mon ouvrage sur l'Italie, faisant à peu près un volume in quarto. Mais le papier? Le papier, des bandes de toile que j'ai rendues lisses et unies comme le parchemin. Et l'encre? De la suie dans du vin. Les notes avec mon sang. Et les plumes? Des arêtes de poisson. Oh, monsieur, j'ai entendu raconter de merveilleuses choses de l'adresse et de la patience des prisonniers, mais jamais rien qui ressemble à cela. Qui êtes-vous donc? Et comment vous appelez-vous? Je me nomme Faria, l'abbé Faria. Comment, ce prisonnier que l'on croyait malade? Oui, c'est moi qui passe pour fou et qui divertit depuis si longtemps les hôtes de cette prison. Je réjouirais les petits-enfants si au château d'If il y avait des petits-enfants dans le séjour de la douleur sans espoir. Mais maintenant, à votre tour. Dites-moi. Oh, mon monsieur, ma vie est courte. Oui. Seulement elle renferme un abîme et j'y suis tombé. Oui, je sais. La femme du geôlier que j'ai soignée dans une maladie m'a tout raconté. Vous avez été arrêté le jour même de vos fiançailles, au moment où vous alliez devenir capitaine de navire, une dénonciation anonyme. Vous accusez d'avoir vu l'empereur Ali d'Elbe et d'avoir apporté en France une lettre adressée à un agent bonapartiste. Hein? Bien. Et dites-moi, quelqu'un avait-il intérêt à ce que vous ne deveniez pas capitaine du Pharaon? Non. J'étais fort aimé à bord. De tous? De tous? Un seul homme excepté. Cet homme, comment se nommait-il? Danglars. Devenu capitaine du Pharaon, l'auriez-vous maintenu dans son poste? Si la chose eût dépendu de moi, non. Nous sommes sur la bonne voie. Cette lettre que l'on vous a remise quand vous avez relâché à l'île d'Elbe, l'aviez-vous cachée? Il était trop grande. Pour entrer dans la poche de ma veste de marin, je l'ai rapporté à la main. De sorte que l'on a pu voir à bord que vous rapportiez une lettre de l'île d'Elbe. Certainement. Danglars comme les autres. Danglars comme les autres. Maintenant, écoutez-moi bien. Quelle était l'écriture ordinaire de Danglars? Belle cursive. Et quelle était l'écriture de la lettre anonyme qui vous a dénoncé? Une écriture renversée. Contrefaite alors. Bien hardi pour être contrefaite. Hein? Attendez. Donnez-moi ça. Oh, c'est étonnant. Hein? Étonnant, comme l'autre écriture ressemblait à celle-ci, n'est-ce pas? C'est que la lettre anonyme a été écrite de la main gauche. J'ai observé une chose. Laquelle, monsieur l'abbé? C'est que toutes les écritures tracées de la main droite sont différentes, tandis que toutes les écritures tracées de la main gauche se ressemblent. Vous avez donc tout vu, tout observé? Continuons, mon fils. Quelqu'un avait-il intérêt à ce que vous n'épousiez pas votre fiancé? Oui. Un jeune homme qui la courtisait. Fernandego. Croyez-vous qu'il eût été capable d'écrire cette lettre? Sincèrement, je ne le crois pas. À la rigueur, il lui donnait un coup de couteau, voilà tout. Danglars, connaissait-il Fernand Mondego? Oui, attendez. Je me rappelle. Quoi? Je revois tous les détails de ce fatal débarquement. Le jour même de nos fiançailles. Je les revois du bateau, attablés ensemble, Danglars et Fernand, sous la tonnelle du père Pamphile. Il me semble maintenant que c'était hier, avec un troisième compagnon, un tailleur nommé Cadrousse, qui était ivre, comme gêné par ma proximité. Quand je pense... Il a de quoi tuer un homme avec ça, plus sûrement que si on l'attendait au coin d'un bois pour l'assassiner. Pour ma part, j'ai toujours eu plus peur d'une bouteille d'encre, d'une feuille de papier et d'une plume que d'une épée ou d'un pistolet. Merci donc encore à boire, Fernand. Merci, monseigneur. Ainsi l'amour, prenez racine! j'en planterai dans mon jardin. Eh bien, je disais donc, par exemple, que si, après un voyage comme celui que vient de faire Dantès, où il a touché à Naples et à l'île d'Elbe, quelqu'un le dénonçait comme agent bonapartiste. Je le dénoncerais, moi. Non. Mais si on se décidait à une pareille chose, il faudrait mieux tout bonnement prendre cette plume, comme je l'ai fait, la tremper dans l'encre et écrire de la main gauche, pour éviter que l'écriture soit reconnue, une petite dénonciation ainsi conçue. À monsieur le procureur du roi. Ben, une dénonciation à qui ça s'adresse-t-il, au procureur du roi? Non. Ainsi l'amour prenait racine, j'en planterai dans mon jardin. Là. Bon. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion que le dénommé Edmond Dantès, second à bord du Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne, après avoir touché à Naples et à Porto Ferraio, a été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de son crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre soit sur lui, soit dans sa cabine, sa cabine à bord du Pharaon. Ainsi, votre vengeance aurait le sens commun. Et en aucune façon, elle pourrait retomber sur vous. Il n'y aurait plus qu'à plier cette lettre, comme je le fais, et à écrire dessus à monsieur le procureur du roi, et tout serait dit. Ouais. Tout serait dit. Seulement, ce serait une infamie. Mais naturellement, je plaisantais. Et pour ma part, je serais bien fâché qu'il arrive à quelque chose à ce bon Dantès. Aussi, tiens, là, tu vois. Voilà. Que Dieu me pardonne ce que je vais faire. Mais oh, oh. Et où va-t-il? Où veux-tu qu'il aille? Au Catalan? Fernand! Fernand! Carlos, je fais ici! Monsieur Fernand! Je fais ici, Carlos! Les femmes! Mais non! Les hommes! Tenez, asseyez-vous dans mon petit, remettez-vous. Ah. Et voulez-vous savoir autre chose maintenant? Oui. Pourquoi n'ai-je été interrogé qu'une seule fois? Pourquoi ne m'a-t-on pas donné d'avocat ni de juge? Et comment suis-je condamné sans arrêt? Ceci est un peu plus grave. La justice a des allures sombres et mystérieuses qu'il est difficile de pénétrer. Donnez-moi là-dessus les indications les plus précises. Vous voyez plus clair dans ma vie que moi-même. Qui vous a interrogé? Un homme de 27 à 28 ans. Monsieur de Villefort. Bien. Oh, pas corrompu encore, mais ambitieux déjà. Quelles furent ses manières envers vous? Plus douces que sévères. Lui avez-vous tout raconté? Comme quoi, vous ne faisiez qu'accomplir un pieux devoir sans que vous... Mais oui, tout. Et Ses manières ont-elles changé dans le courant de l'interrogatoire? Un instant. Elles ont été altérées après avoir lu la lettre de l'île d'Elbe qui me compromettait. Il parut alors comme accablé par mon malheur. Votre malheur? Oui. Êtes-vous bien sûr que c'était votre malheur qu'il plaignait? Du moins m'a-t-il donné sur le champ une grande preuve de sa sympathie. Laquelle? Mais il a brûlé devant moi à la flamme d'une bougie la seule pièce qui pouvait me compromettre. Laquelle? La lettre anonyme, la dénonciation de Danglars portée par Fernand, votre rival? Mais non. La lettre de l'île d'Elbe. Vous en êtes sûr? Il l'a brûlé sous mes yeux en s'écriant, « Tenez, il n'existe que cette preuve contre vous, et je l'anéantis. » Cet homme pourrait être un plus profond scélérat que vous ne croyez. Mais il a même ajouté, « Je suis obligé de vous garder encore quelque temps prisonnier, le moins longtemps possible. Mais après un acte pareil, vous pouvez avoir confiance en moi. » Cette conduite est trop sublime pour être naturelle. Croyez? J'en suis sûr. À qui la lettre de Napoléon était-elle adressée? Monsieur Noirtier, rue Coqueron, numéro 5 à Paris. Et Noirtier, dites-vous? Mais j'ai connu un comte de Noirtier à la cour de l'ancienne reine d'Étrurie. C'était un Noirtier qui avait été girondin, et non des moindres, pendant la Révolution, ami de Robespierre et de Danton. Comment s'appelait votre homme à vous? Vous me l'avez dit tout à l'heure. Villefort. Qu'avez-vous? Vous voyez cette lumière? Eh bien, pour moi, tout est plus clair maintenant que ce rayon transparent et lumineux. Et cet homme que vous avez cru d'une si grande bonté à votre égard vous a naturellement fait jurer de ne jamais prononcer le nom de Villefort, de Noirtier, le destinataire de la lettre. Oui. Eh bien, ce Noirtier, pauvre aveugle que vous êtes, savez-vous qui était ce Noirtier républicain et puis bonapartiste, ce Noirtier compromettant à qui la lettre de l'empereur était destinée? Eh bien, c'était son père. Son père? Parfaitement. Le propre père de monsieur de Villefort, le zélé procureur du roi, qui s'appelle de son vrai nom Noirtier de Villefort. Son père. Salut. Monsieur Morel, je crois. Oui, monsieur de Villefort, moi-même. Asseyez-vous, je vous en prie. À quelles circonstances dois-je l'honneur de votre visite? N'en avez-vous pas la moindre idée, monsieur? Pas la moindre, mais ce qui n'empêche que je sois tout disposé à vous être agréable. J'étais venu, vous rappelez-vous, quelques jours avant que l'on apprît le débarquement de Sa Majesté l'Empereur, réclamer votre indulgence pour un malheureux jeune homme, un marin, second à bord de mon brick, accusé d'entretenir des relations avec l'île d'Elbe. Ces relations qui étaient des crimes à cette époque sont aujourd'hui autant de titres de faveur. Vous serviez Louis XVIII alors et ne l'avez point ménagé, monsieur. C'était votre devoir. Aujourd'hui, vous servez Napoléon et devez le protéger. C'est encore votre devoir. Je viens donc vous demander ce qu'il est devenu. Le nom de ce jeune homme? Oui, ayez la bonté de me le rappeler. Edmond Dantès. Dantès, dites-vous. Edmond Dantès. Vous êtes bien sûr de ne pas vous tromper? Oh non, monsieur, je ne me trompe pas, non. J'étais venu il y a quelques mois, rappelez-vous. Vous priez d'être clément pour ce pauvre jeune homme. Vous me reçûtes même assez mal, monsieur. Oui, c'est que les royalistes étaient durs aux bonapartistes en ce temps-là. Monsieur Morel, je ne voudrais pas que vous vous mépreniez. J'étais royaliste, non seulement parce que je croyais les Bourbons, les héritiers légitimes du trône, mais encore les élus de la nation. Le retour triomphal auquel nous venons d'assister m'a fait voir que je me trompais. Le génie de Napoléon a vaincu. Le monarque légitime est le monarque aimé. À la bonne heure, et vous me faites plaisir de parler ainsi. Mais attendez donc, je me souviens. Oui, c'est un marin qui devait épouser une catalane, n'est-ce pas? Oui. Oui. La chose était très grave. Comment cela? Oui, vous vous souvenez qu'en sortant de chez moi, il avait été conduit aux prisons du palais de justice. Oui, eh bien? Eh bien, j'ai fait mon rapport à Paris. J'ai envoyé les papiers trouvés sur lui. 8 jours après son incarcération, le prisonnier a été enlevé. Enlevé? Oh, mais rassurez-vous, il aura été conduit à Fenestrelle, à Pignerol ou aux îles Sainte-Marguerite. Oui, ce que l'on appelle dépaysé en termes d'administration. Et vous n'allez pas tarder à le voir revenir prendre le commandement de son navire. Enfin, comment se fait-il qu'il ne soit point déjà revenu? Il me semble que le premier soin de la justice bonapartiste aurait dû être de libérer ce qu'avait incarcéré la justice royaliste. N'accusez pas témérairement, mon cher monsieur Morel. Il faut en toute chose procéder légalement. L'ordre d'incarcération étant venu d'en haut, il faut que l'ordre d'amnistie vienne aussi d'en haut. Enfin, ne peut-on presser les formalités? Oui, j'ai aujourd'hui quelques amis bien placés, quelque influence. Je puis obtenir main levée de l'arrêt. Il n'y a pas eu d'arrêt. De l'écrou, alors? En matière politique, il n'y a pas de registre d'écrou. Oui, les gouvernements ont parfois intérêt à faire disparaître un homme sans laisser trace de son passage. Des notes d'écrou guideraient les recherches. J'étais comme ça sous les Bourbons, peut-être, mais maintenant... C'est comme cela dans tous les temps, mon cher monsieur Morel. Les gouvernements se suivent et se ressemblent. Et la machine pénitentiaire montée sous Louis XIV fonctionne encore aujourd'hui à la Bastille près. Bien. Mais enfin, monsieur de Villefort, quel conseil me donnez-vous qui pourrait hâter le retour d'Edmond Dantès? Je n'en vois qu'un. Écrire au ministre de la Justice. Oh, monsieur... Nous savons ce que c'est que les pétitions. Le ministre en reçoit 200 par jour et n'en lit pas deux. Peut-être. Mais si je la lui fais parvenir moi-même, qu'est-ce que vous en dites? Allons, nous ne perdons pas de temps. Nous n'en avons déjà que trop perdu. Asseyez-vous et écrivez. Tenez. Elle partira aujourd'hui même. Mais à peine Morel est-il sorti que Villefort déchire la pétition. Chez la comtesse de Morcerf, la comtesse et Morel. Me reconnaissez-vous, monsieur Morel? Madame, je cherche à me rappeler. Il me semble que j'ai déjà eu l'honneur. Regardez-moi bien. Excusez-moi, madame, je ne vois pas, non? Je suis Mercedes. Mercedes? Mercedes, la catalane? Oui, monsieur. Mais alors, Fernand? Fernand est devenu le comte de Morcerf, et moi, je suis devenue sa femme. En effet, pourquoi pas? C'était la marche logique des choses. Oh, monsieur. Il y a un cruel reproche dans ce que vous me dites là. Un reproche, madame la comtesse? Oui, je le comprends. Mais celui-là seul qui se fût trouvé à ma place peut en juger. Pauvre. En face d'un homme qui m'adorait. Et que je mets non pas comme un amant, mais comme un frère. J'ai gardé plus de 2 ans la foi que j'avais jurée à Edmond. Enfin, n'ayant plus d'espoir, j'ai cédé à l'obsession. Voilà, monsieur Morel, comment j'ai épousé Fernand, comment je suis devenue comtesse de Morcerf. Mon Dieu, madame, mais c'est un rêve. Que je vais vous expliquer, car ça le mérite. Fernand, vous le savez, est parti comme simple soldat en 1816. Il revint avec le grade de lieutenant en 1818. Nous nous sommes mariés, la guerre de l'indépendance éclata en Grèce. Fernand partit avec le grade de capitaine. Ali, Pacha de Janina avait besoin d'un officier d'ordonnance. Mon mari entra à son service et devint l'homme de son intimité. Vous avez entendu raconter dans la presse la mort du lion de l'Épire, comme on l'appelait alors, surpris dans un kiosque et égorgé après une défense inouïe. Mon mari fut l'un de ses derniers défenseurs. Ali, en expirant, lui tendit une bourse pleine de diamants. Cette bourse est à la source de notre fortune. Mon mari revint en France avec le grade de général que Sa Majesté a bien voulu lui confirmer et auquel elle a ajouté le titre de comte. Voilà comment il se fait, cher Monsieur Morel, que ma lettre était signée comtesse de Morcerf, mais non pas Mercedes la Catalane. Mais en vérité, madame, vous me causez une grande joie. Maintenant, Monsieur Morel, ayant été indulgent pour moi, comme amante, ne me jugez pas trop sévèrement comme femme. Je n'ai rien oublié. Et je vous avouerai que mon désir de vous revoir était lié à bien des souvenirs de Marseille. Oui, oui, je comprends. Eh bien. Hélas, madame. Pas de nouvelles ? Aucune. Il n'a point reparu là-bas ? Nul ne l'a jamais revu. Et vous n'avez rien pu apprendre sur son compte, absolument rien ? Rien. Mais vous aviez fait des démarches, cependant. Oh, toutes celles qu'il était possible de faire, et en remontant aux sources les plus sûres. J'ai vu plusieurs fois M. de Villefort. Il m'a confirmé qu'il avait envoyé les papiers de la procédure à Paris. 8 ou 10 jours après cet envoi, le prisonnier avait été enlevé, sur ordre supérieur. Pendant les 100 jours, j'ai même écrit au ministre de la Justice. Sans résultat. Ainsi, vous n'avez rien pu apprendre. Rien. Ainsi, à votre avis, il serait mort. C'est plus que probable, madame. Écoutez, monsieur Morel, mais je ne puis m'habituer à cette idée qu'Edmond soit mort. Je le saurai, je crois que je le saurai. Mais Dieu m'est témoin que si je le recrue vivant, jamais je n'aurais pu me résoudre à devenir la femme d'un autre, à avoir un enfant d'un autre. Non, ce que je voulais vous dire, monsieur Morel, c'est que s'il arrivait que vous appreniez que nous avons été trompés tous les deux, s'il arrivait qu'il reparût à Marseille, si vous saviez qu'il se soit réfugié dans un point quelconque du monde, je compte sur vous, monsieur Morel, pour m'écrire ces 2 seuls mots. Il vit. Comptez sur moi, madame la comtesse. Les 2 cachots du château d'If, sous la galerie. Eh bien. Il ne reste plus que l'épaisseur de la dalle. Ainsi, en décelant encore une ou deux pierres. La dalle tombe, et l'homme avec. Nous nous jetons sur lui. Oui. Nous le garrotons. Nous le baillonnons. Puis, nous sortons tous les deux par l'ouverture. Nous nous précipitons à la mer et nous gagnons la côte à la nage. Quelle heure est-il ? Oh, minuit passé. Avons-nous le temps de fuir cette nuit ? Sans doute. Mais si nous attendions la nuit prochaine ? Non, pas une heure, pas une seconde plus dans ce cachot. Songez-y, l'abbé. 14 ans. 14 ans de captivité au fond de la terre. Ah, c'est bien, c'est bien. Décèle les dernières pierres. Et vous préparez les cordes et le baillon. Bon, c'est ça, j'y vais. Mon Dieu! Mon Dieu! Oh, Dantès! Dantès! Au secours! Vite, vite, à moi! À moi! Mon Dieu, qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Oh, je suis perdu. Quoi? Un mal terrible, inexorable, mortel peut-être, dont je fus déjà atteint avant mon incarcération. Vite! Vite! Que faire? Un remède, un seul, là, derrière moi, le petit flacon. La liqueur rouge, verse-moi quelques gouttes. Vite, vite à moi, je meurs. Oh, Seigneur, écoutez-nous. Mon maître bien-aimé, c'est ton enfant qui t'appelle. Celui qui te doit plus que la vie. Faria, Faria. Tu les buvais. Je ne me trompe pas. Son pouls recommence à battre. Faria! Faria, mon père! Ouvrez les yeux! Regardez-moi! Il me regarde. Il me regarde sans rien dire. Dantès? Oui, c'est moi, Edmond, votre ami. Près de moi? Oui. Je croyais ne plus te revoir. Vous avez cru mourir? Je croyais surtout, toi qui étais si pressé de fuir tout à l'heure, que pendant mon évanouissement... Par le sang de Jésus-Christ, Je jure de ne vous quitter qu'à votre mort. Oh, je suis bien faible, bien anéanti. Taisez-vous, taisez-vous. Allez. Ton dévouement ne sera pas long. Et peut-être, peut-être sera-t-il récompensé. Que voulez-vous dire? Tiens, regarde, regarde, Dantès. Qu'est-ce que c'est? Regarde bien, c'est la fortune. Je me voilà qu'un papier à demi brûlé, sur lequel sont tracés des caractères gothiques à l'encre singulière. Ce papier, c'est mon trésor, qui à compter d'aujourd'hui t'appartient. Votre trésor? Oui. Mon Dieu, voilà sa folie qui lui revient. Non, non, non, non, non, non, je ne suis pas fou, Dantès. Ce trésor existe. Et puisqu'il ne m'a pas été donné de le posséder, il est à toi. Mais d'abord, lis, lis, lis, lis, lis. Voilà que des signes tronqués, des mots sans suite, interrompus par l'action du feu qui demeure inintelligible. Mais c'est que tu les lis pour la première fois. Écoute, je t'ai un jour, parlant de Rome, raconté l'histoire d'Alexandre VI et de César Borgia, qui héritaient des cardinaux qui mouraient autour d'eux. Oui, oui, oui. Eh bien, un jour, ils résolurent d'hériter du cardinal Spada, l'un des plus riches cardinaux de Rome, en l'empoisonnant, ainsi que son neveu, qui était son unique héritier. Cependant, contre l'attente du pape, on eut beau chercher dans les coffres, dans les caves, dans les greniers du cardinal Spada, on ne trouva pas la moindre trace de cette immense fortune que tout le monde connaissait. J'étais grand collectionneur de livres historiques, tu le sais, cher Edmond. Or, un jour, j'appris que le bréviaire du cardinal Spada était à vendre, et je l'achetais. Et un soir, que je cherchais quelques papiers pour allumer ma bougie au feu de l'âtre, je me souvins d'avoir vu dans le fameux bréviaire un vieux papier jauni qui avait l'air d'un signet sans valeur, et le tordant, le présentant à la flamme mourante, je l'allumai. Mais sous mes doigts, comme par magie, je vis des caractères apparaître en relief sur la feuille. Une encre sympathique avait tracé ces lettres apparentes seulement au contact d'une vive chaleur. Un peu plus du tiers avait déjà été consumé. Je lus ce qu'il en restait. Après 3 siècles écoulés, j'avais retrouvé le vrai, l'unique, le seul testament du cardinal Spada. Mais illisible, inutile, incomplet, puisqu'il n'y a que la moitié des lignes. Oui, oui, mais à force de travail, j'ai recomposé ce qui manque. Tiens, tiens, Edmond. Prends ce papier, mets-le à côté de celui-là. Tu vois, ils s'adaptent et se complètent ensemble. Lis, Dantès, lis. Ce jour-là, 25 avril 1498, ayant été invité à dîner par Alexandre VI et craignant que, non content de m'avoir fait payer ma charge, il ne veuille hériter de moi et il me réserve le sort des cardinaux Caprara et Bentivoglio, morts empoisonnés, je déclare à mon neveu Guido Spada, mon légataire universel, que j'ai enfoui dans un endroit qu'il connaît pour l'avoir visité avec moi, c'est-à-dire dans les grottes de la petite île de Monte Cristo, tout ce que je possédais de lingots, d'or, monnayés, pierreries, diamants, bijoux. Que seul je connais l'existence de ce trésor qui peut monter à 5 millions d'écus romains. Et qu'il trouvera, ayant levé la 20e roche à partir de la petite crique de l'Est, en droite ligne, lequel trésor je lui lègue en toute propriété comme mon seul héritier, cardinal Spada. Oh, mon Dieu, serait-ce vrai? Et pourquoi n'avez-vous pas tenté vous-même? J'allais embarquer à Livourne pour l'île de Monte Cristo quand je fus arrêté et conduit à Fenestrelle. Ainsi, Aie confiance, Dantès, car une voix me dit que ce que je n'ai pu faire, toi, tu l'accompliras. Vrai, et comme je vais mourir, vrai, comme je meurs. Adieu, Dantès, adieu pour toujours. Faria, mon père. Plus rien dans le flacon. Au secours! Au secours! Silence! Cette fois-ci, il est mort. Des pas! Viens! Eh bien, je ne m'étais pas trompé, c'est le vieux qui avait appelé. Oh, collègue, qu'est-ce que tu fais là à terre? Oh! Oh, coquine de sort, il est mort. Baptiste! Mais quoi? Baptiste, viens, arrive, regarde, pêcheur, le pauvre. Quoi? Il est mort. Ah, pour moi, c'est un coup d'apoplexie. Hein. Le vieux fou d'aller retrouver ses trésors. Ah, il aura les honneurs du sac, ok. Allez, viens, allons prévenir le gouverneur. Ah, on peut le laisser seul, hein. Il ne s'envolera pas. Hein. Bon. Allez, file. Maintenant que tu n'es plus, je vais essayer d'accomplir seul ce que nous devions faire tous les deux. Adieu, Faria. Adieu, mon père. Par ici, docteur. Oui. Pardon, monsieur le gouverneur. Oui, qu'est-ce que c'est? Hier, ça sentait pas le creux sur mon pied, là. Et alors? Eh bien, maintenant, ça le sonne. Quoi? Eh bien, le creux. Et où ça? Ici, tenez, là, oui, là. Vous entendez? Ah, oui. Il n'y a pas une cave là-dessous? Non, il n'y a pas de cave là-dessous, il n'y a que des cachots. Bon, on verra ça demain. Bon. S'il vous plaît, docteur. Oh, mais c'est le fou furieux! Fou furieux! Pardonnez-moi, docteur, c'est l'homme le plus doux de la terre. Et même qu'un jour où ma femme était malade, je viens de la guérir. Ah oui, c'est vrai, ça. Oui. Ben, j'ignorais que j'eusse affaire à un confrère. J'espère, monsieur le gouverneur, que vous le traiterez en conséquence. Oui, soyez tranquille. Je vous avais dit de vous munir d'un sac, vous! Voilà, monsieur le gouverneur. Bon, oui. Vous êtes sûr qu'il est bien mort? Absolument certain! Oh là là. Et d'une attaque d'apoplexie, ça ne pardonne pas. Oui, mais vous savez que dans ces cas-là, on ne se contente pas d'un simple examen. Hein. Puisque vous y tenez, dites, faites chauffer les fers, voulez-vous? Ouais. Dites-moi, monsieur le gouverneur, ferez-vous dire une messe? Oh, impossible. Ah. Le chapelain du château d'If est en congé à Hyères. Ah. Si l'abbé Faria ne s'était pas tant pressé, il aurait eu son requiem. Bon, il est homme d'église, n'est-ce pas? Oui. Dieu ne donnera pas au diable le méchant plaisir de lui envoyer un de ses prêtres. Appliquez le fer rouge. Vous voyez, monsieur, qu'il est bien mort? Cette brûlure au talon est décisive. Ce malheureux est à la fois guéri de sa folie et délivré de la captivité. Bon, alors dépêchez-vous et que tout soit fini dans un quart d'heure. Allez, dépêchez-toi. Dormez-vous! Comme fait-on? Non, rien! Mais votre voisin est mort. Vous aviez autrefois demandé à changer de cellule. Tu as une corde, toi, dit. Eh non. Bon, ben alors je viens chercher une. Eh, attends-moi. Et quoi? En attendant, prépare le boulet, eh. Ouais, attends, bon. On a encore un peu rendu ça. Voilà revenu seul. En face du néant. je pouvais mourir, puisque toute fuite est impossible dorénavant. Non, mais non! Non, je veux vivre! Vivre! Sortir d'ici, un jour! Plus dans 10 ans, dans 20 ans! Je n'ai pour eau à punir! Peut-être qui sait? Des amis à récompenser. Mais non, on va m'oublier. Je ne sortirai d'ici que comme Faria, les pieds devant. Les pieds devant. Quelle idée merveilleuse. Un couteau, vite. Il transporte le corps de Faria dans sa propre cellule et prend la place de l'abbé sur la paillasse de celui-ci. Il ne répond pas grand-chose, ton prisonnier. Elle m'en parle pas, c'est un maniaque. Il dort les 3/4 du temps, alors. Qui dormine. Attends, attends. C'est vrai qu'elle a l'air de dormir, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Ouais. D'accord, non. Ok, allez. Oh. Là. Allez, soulève-le un peu, là. Oh. Oh, qu'il est lourd, poivier! Ah, dame, il paraît que chaque année ajoute une demi-livre au poids des os, alors. Mais t'as vu? Quelle taille! Ah ben, Fada, tu sais bien qu'on grandit en mourant, alors. Allez, les gars, aidez-le à le monter sur la tour, hein. Allez, prenez par les pieds, par le... Ah, oh, qu'il est lourd, peu cher. Oh, coquine de sort. Oh, quel métier! Eh, bien nourri, hein! Oh là là, quel métier! Oh. Oh. Attends, c'est ici. Ah, ici quoi? Que j'ai mis notre boulet. Ok, l'as-tu ce boulet? Ouais, ça y est. Eh ben mets-le, dépêche-toi, ouais. Quoi. Il n'a rien perdu pour attendre. Allez, tu es prêt? 2 boulets 36 comme pour un capitaine. Allez, hey. En route. Allez. Oh là là, oh quel malheur, mon Dieu, quel malheur. Oh, mauvais temps, il ne va pas faire vent en mer cette nuit. Et le vieux fou risque fort d'être mouillé. Allez, en route les gars. Allez, l'eau. Il y a pêchant. Là, on est arrivé, c'est bien ici. Plus loin, plus qu'est loin. Plus loin, qu'est. Tu sais bien que le dernier est resté brisé sur le rocher, que le lendemain, le gouverneur nous a traité de fainéants. Ah oui, c'est rien. Vrai, tu as raison. Alors quoi? Tu as raison. Là. Et là. Ouais, c'est ça, bien ici. Ça va. Oh. Alors, attention, hein. Allez. Oh. Bon voyage. À l'auberge du pont du Gard, Caderousse, qui en est le propriétaire, sa femme, la Garconte, et Bertuccio, contrebandier. Femme, je te dis que c'est la volonté de Dieu. Et moi, je te dis que je vais me plaindre. Vous avez raison, ma bonne femme, plaignez-vous. Mais autrefois, on ne pouvait pas suffire au monde. Mais aujourd'hui, avec leur canal qui va se jeter directement dans la mer et rend la route inutile, ben c'est à peine si on vend une bouteille de vin par jour. Et quand les saisit-on vos meubles? Mais dans 3 jours. Mais c'est bon. Quand ils seront saisis, on n'aura plus d'embarras. Oh. On sera comme l'ami Bertuccio, loge à la belle étoile. Est-ce qu'il a une maison, lui? Non. Il est contrebandier. Et si tu avais sa bourse, tu ne serais pas embarrassé pour dimanche. Oh, ben voilà justement ce qui vous trompe. Et la preuve, la voici. 2 pièces de 5 francs, c'est tout ce qui me reste. Aïe. Il est vrai que si le coup de ce soir réussit, aussi vrai que ce vin de Cahors a beaucoup d'esprit, on ne saisira pas vos meubles dimanche. Merci, Bertuccio. Mmh. Tu es un brave homme. La promesse est faite. Ben, je le jure, on ne les saisira pas. Mais puis-je compter sur ta cachette? Tu seras toujours ici chez toi, Bertuccio. Ah là là. Ben, ces douaniers, oui. Ce sont eux qui nous ruinent avec leurs impôts. Tiens. Ben, qui nous arrive donc à cette heure à cheval? Qu'est-ce qui arrive là-bas? Ouais. Ben, une espèce de pasteur, tu le vois bien? Pas quelques gendarmes déguisés. Oh. Et ça sera rigolo. Ben, par prudence, père Caderousse, je me retire dans ta cachette. Allez, allez, à ton aise, va te cacher, va. Et adieu la mère, demain vous les aurez, vous sentez cul. Que le bon Dieu vous entende. Ouais. Paraît un cavalier, Busoni, qui n'est autre que Edmond Dantès, déguisé. Est-ce l'auberge du Pont du Gard que vous cherchez, monsieur? Oui, mon ami. Alors, vous êtes arrivé. Voilà vos ordres. C'est bien. Ne voulez-vous pas vous rafraîchir? Si fait, donnez-moi une bouteille de votre meilleur vin blanc, bien sec et bien glacé. Vous regardez l'ameublement qui n'est pas riche. Ah, que voulez-vous, monsieur? Il ne suffit pas d'être honnête homme dans ce monde pour prospérer. Vous avez tort de parler ainsi, mon ami. Car tôt ou tard, j'en ai la conviction, l'honnête homme est récompensé et le méchant puni. Ah, et peut-être même vais-je vous en donner la preuve tout à l'heure. N'êtes-vous point Monsieur Caderousse? Gaspard Caderousse, pour vous servir, oui, monsieur. C'est bien vous qui, en 1814, exerciez l'état de tailleur aux allées de Maillan à Marseille. Oui, oui, c'est bien moi. Mais j'ai dû abandonner ce métier, monsieur, car il fait si chaud dans ce coquin de Marseille que je crois bien qu'on finira par aller tout nu. N'avez-vous point connu en ce temps-là un marin qui s'appelait Dantès? Edmond Dantès. Oui, oui, je pense bien, oui, je le connaissais. C'était mon meilleur ami, monsieur. Est-il libre? Heureux, riche? Il est mort. Mort? Pauvre petit. Mais c'est bien la preuve de ce que je vous disais, monsieur. Le monde va de mal en pis. Vous paraissiez aimer ce garçon de tout votre cœur. Oh oui, je l'aimais bien, le pauvre petit. Bien que je me reprochais d'avoir un instant envié son bonheur. Et de quoi est-il mort, s'il vous plaît? À votre avis, de quoi meurt-on en prison lorsqu'on y entre à 20 ans et qu'on disparaît à 35? Si ce n'est de la prison elle-même. Mais écoutez bien ceci, monsieur Caderousse. Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'Edmond Dantès, à son lit de mort, m'a toujours juré qu'il ignorait la cause de sa captivité. Mais c'est vrai, monsieur. Il ne pouvait pas le savoir. C'est ainsi qu'il m'a chargé d'éclaircir son malheur et de réhabiliter sa mémoire. Il m'a remis ce diamant. Gros comme une noix. Qui est évalué à plus de 50 000 francs. Qui provenait d'un riche anglais, son compagnon d'infortune, sorti de prison sous la seconde restauration. En me faisant son exécuteur testamentaire, Dantès me dit « J'avais trois bons amis et une fiancée. Tous les quatre, j'en suis sûr, me regrettent sincèrement. L'un s'appelait Caderousse, l'autre Danglars, le troisième Fernand. Quant à ma fiancée, c'est toujours Dantès qui parle. Comprenez-vous bien ? Rappelez-moi donc son nom. Mercedes. Ah oui, oui, c'est ça, Mercedes. Vous irez à Marseille et vous ferez cinq parts du prix de ce diamant. Comment, cinq parts ? Mais vous ne m'avez nommé que quatre personnes. Parce que la cinquième est morte, à ce qu'on m'a dit. C'était le père de Dantès. Sauriez-vous quelque chose sur la mort de ce vieillard, vous, monsieur ? Caderousse, prends garde à ce que tu vas dire, hein ? Mais de quoi te mêles-tu, femme ? Monsieur me demande des renseignements. La politesse veut que je les lui donne. Soyez tranquille, bonne femme, le malheur ne vous viendra pas de mon côté. Mais ne faites pas attention, monsieur. Ah, monsieur, l'histoire est bien triste. Car après l'arrestation d'Edmond Dantès, malgré M. Morel et Mercedes qui venaient le voir souvent, et moi-même qui lui portais souvent des douceurs, pauvre bonhomme, peu à peu il vendait pour vivre le peu qu'il possédait. Mon Dieu ! Enfin, il arriva bien vite au terme de sa triste vie. Dans les derniers temps, Mercedes resta au chevet de son lit. Et M. Morel s'éloigna en disant qu'il laissait une bourse sur la cheminée. Enfin, après 9 jours d'agonie, il s'éteignit en disant à Mercedes « Si vous voyez mon fils, dites-lui que je meurs en le bénissant. » Vous croyez qu'il est mort de faim ? Oui, monsieur, je dis qu'il est mort de faim. Avouez que voilà un bien grand malheur qu'en ce siècle où nous sommes, et à Marseille, un homme puisse encore mourir de faim. D'autant plus, monsieur, que Dieu n'y est absolument pour rien et que ce sont les hommes qui en sont la cause. Mais qui a fait mourir le fils de désespoir et le père de faim ? Je ne sais pas, moi, je ne sais plus. Et bien, moi, je vais vous le dire. Il y a eu une dénonciation écrite par Danglars, jetée à la poste par Fernand. Non, ne dites pas que ce n'est pas vrai. Vous étiez là aussi. Vous ne vous êtes pas opposé à cette infamie. Faria, comme vous connaissez bien les hommes et les choses. Mais alors, monsieur Caderousse, si vous étiez là, vous êtes complice. Je te l'avais bien dit, malheureux, qu'on te ferait parler. Mais monsieur, Danglars m'avait fait boire. Il prétendait que c'était une plaisanterie qui n'aurait pas de suite. C'est mon remords, nuit et jour, ça. S'accuser ainsi, c'est mériter son pardon. Mais malheureusement, monsieur Edmond est mort. Il ne m'a pas pardonné. Et qu'est devenu monsieur Morel, dont vous m'avez parlé? Quel rôle a-t-il joué dans cette affaire? Ah, monsieur, le rôle d'un homme honnête et courageux. 20 fois il a intercédé pour Edmond. Il venait le voir souvent. Et laissa, je vous l'ai dit, une bourse sur la cheminée pour payer les dettes et les frais de l'enterrement. C'est encore moi qui ai la bourse, monsieur. Une grande bourse en filet rouge. Vit-il encore? Hélas, oui, il vit toujours, oui. Mais il est ruiné de fond en comble. Il a perdu 5 navires en 2 ans, a essuyé des banqueroutes effrayantes et n'a plus d'espérance que dans le pharaon, tandis que Fernand et Danglars, eux, roulent sur l'or! Comment cela? Eh ben oui! Eh ben oui! Le Fernand, comte de Morcerf et pair de France, et l'autre, le baron Danglars, député à la Chambre des représentants, est un des principaux banquiers du régime. Si haut placé qu'il soit, croyez-moi bien, la justice de Dieu saura les atteindre. Maintenant encore un mot. Le dernier de ces messieurs, monsieur de Villefort. Je sais seulement qu'il est mort. Et comment est-il mort? Il avait fait exécuter un Corse et le frère de ce Corse l'a vengé. Celui-là m'échappera donc. Vous connaissez l'assassin? Quel est son nom? Bertuccio. Bertuccio? C'est un patron qui fait la contrebande entre Marseille et Nîmes. Mais tu veux pas te taire, non? Ah oui, mais... Quand je vous disais que Dieu ne vous avait pas oublié, prenez ce diamant. Il est à vous. À moi seul? Oh, vous vous moquez. Je sais ce qu'est le bonheur. Et le désespoir. Prenez donc ce caillou. Mais en échange, vous me donnerez cette bourse de soie rouge que Monsieur Morel a laissée sur la cheminée du vieux Dantès. Et le diamant est pour nous? Oui, pour vous. Voilà la bourse. Voici le diamant. Monsieur, personne ne savait que Dantès vous avait remis ce diamant. Vous pouviez le garder pour vous. Que ce diamant vous profite. Je sais tout maintenant. Soyez heureux. Adieu. Monsieur. Caderousse a vendu le diamant à un joaillier, mais la Garconte a poignardé celui-ci pour lui reprendre la pierre. Et c'est Bertuccio, surpris sur place par les gendarmes, qui est accusé du meurtre. Nous voici dans le cabinet de M. de Baville, inspecteur des prisons. Baville est un commis anglais qui est Edmond Dantès. Puis-je savoir, monsieur, ce qui me procure l'honneur de votre visite? Monsieur de Baville? Je suis le premier commis de la maison Thompson Fenge de Rome, qui m'a envoyé spécialement pour vous demander des renseignements sur la situation financière actuelle des établissements Morel et Fils. Le bruit courait à Rome que cette situation n'était pas bruyante. Hélas, monsieur, vos craintes ne sont que trop fondées. Et vous voyez sans moi un homme désespéré. Car j'avais personnellement placé dans les établissements Morel toute la dot de ma fille, or je la considère comme perdue. Eh bien, moi, je vous la garantis. Quoi donc? Cette créance, à combien se monte-t-elle? 200 000 francs. Tenez, je vous la paie comptant. Monsieur, mon devoir d'honnête homme m'oblige à vous dire que vous n'obtiendrez pas 20% sur cette opération. Et... qui vous dit que nous n'avons pas intérêt à pousser à la ruine une maison concurrente? De toute façon, cela ne regarde que la maison Thompson & French, au nom de laquelle j'interviens. C'est juste, mais dites-moi tout de même quel pourcentage puis-je vous offrir sur cette transaction? Il n'en est pas question. Et en ce cas, puis-je vous être utile de quelque manière? Vous êtes bien inspecteur des prisons, monsieur de Baville. Depuis plus de 15 ans. Dans ce cas, vous tenez à jour des registres d'entrée et de sortie des prisonniers. Certainement. J'ai connu en Angleterre un abbé qui disparut en 1811, fut détenu au château d'If. Comment s'appelait-il? C'était l'abbé Faria. L'abbé Faria, l'abbé Faria, attendez que je me souviens. Oh! Mais je me souviens parfaitement, il était complètement fou. Il se croyait possesseur d'une immense fortune contre laquelle il prétendait obtenir sa liberté. Et il serait mort? Oui, monsieur, il y a exactement 6 mois, en février dernier. Oui, vous avez bonne mémoire. Non, mais la mort du pauvre diable fut accompagnée en effet d'une circonstance singulière inoubliable. Car imaginez-vous qu'un ancien agent bonapartiste, un des hommes qui avait le plus contribué au retour de l'empereur en 1815, a nommé Edmond Dantès, se substitua au cadavre de l'abbé Faria et fut précipité à la mer à sa place. De sorte qu'il fut noyé. Bel et bien. Ce Dantès était, d'après ce que vous m'en dites, un homme fort résolu. Mais... malheureusement, glou-glou. Glou-glou, glou-glou, glou-glou. Certes, nous avons sur lui dans son dossier des notes terribles. Qui avait rédigé ces notes? Oui, bon, celui à qui avait instruit l'affaire, monsieur de Villefort. Tiens donc, serait-ce ce pauvre monsieur de Villefort qui a été assassiné? Assassiné? Mais monsieur qui vous a conté cette baliverne, monsieur de Villefort est aussi vivant que vous et moi. Vivant? Oui, monsieur. J'en ai sûr. Mais grâce au ciel, la preuve en soi, c'est qu'il m'a écrit il n'y a pas 8 jours. Et qu'il vient au titre de procureur général pour requérir la peine de mort contre l'assassin du bijoutier Johannes, massacré récemment à l'auberge du Pont du Gard par un terrible repris de justice corse nommé Bertuccio. Bertuccio. D'ailleurs, j'attends monsieur de Villefort d'une minute à l'autre et peut-être avec beaucoup de chance pourrai vous rencontrer. Mais pour en revenir à cet abbé Faria, si vous désirez consulter mon registre... Oh, cela me ferait grand plaisir, je l'aimais beaucoup. Tenez, voilà le dossier complet. Pendant ce temps, je passerai dans mon cabinet, juste le temps de vous établir le reçu de votre aimable créance. Oh oui, le dossier de ce Dantès dont vous m'avez parlé... Ils sont ensemble. Vous y trouverez même son acte de décès par noyade. Je ne sais comment vous remercier. Je vous en prie, mais je vous en prie. Voici la dénonciation. L'homme que nous recherchions, second du pharaon, a été arrêté. Qu'il soit conduit à l'instant même au château d'If, écroué et gardé au plus profond secret jusqu'à nouvel ordre. Secret d'État, signé de Villefort, procureur du roi. Si ce Villefort est descendu à Nîmes, raison de plus pour agir avec urgence. Ce, d'aujourd'hui 25 septembre 1829, j'ai par ses présentes cédé, transporté pour le compte de la maison Thompson and French, etc. Très bien. De mon côté, j'ai trouvé tous les renseignements que je souhaitais et je vous en sais gré. Je vous en prie, c'était tout naturel. Il y a toutefois une chose sur laquelle vous ne m'avez pas renseigné. Oui. Vous ne m'avez pas dit pourquoi M. Morel est en difficulté. Mais c'est tout simple. Et c'est toujours la même histoire. Parce que toute sa fortune est gagée sur le retour de son bateau, le Pharaon. Qu'il en est sans nouvelles depuis plus d'un mois, depuis l'escale de Calcutta. Que ce retour n'est pas naturel et qu'il n'a plus qu'une seule espérance qui diminue de jour en jour, le retour de son trois-mâts. Or, si le 5 septembre prochain, le pharaon n'est pas à quai, eh bien, monsieur Morel se coulait complètement ruiné. Mais monsieur, cela change-t-il quelque chose à vos dispositions? Je dirais presque au contraire. Ah, Monsieur de Villefort, qu'est-ce que je vous disais? Mon cher Baville, bonjour. Vous voyez, ma première visite est pour vous, je n'ai même pas pris le temps d'aller voir mon client. Bonjour, mon cher Villefort, laissez-moi vous présenter le principal de la maison Thompson and French de Rome. Et voici l'homme le plus intègre de notre époque. Je suis charmé de connaître l'homme le plus intègre de notre époque. À la prison de Nîmes, Bertuccio, un geôlier. Je vous l'ai dit 100 fois, si j'étais à l'auberge du Pont du Gard, c'était pour mon travail. Je suis contrebandier et j'étais en affaire avec le père Caderousse. Tu veux dire, Bertuccio, qu'il entreposait ton rhum et ton tabac, quoi, voilà. C'est tout. Voilà. Arrêtez-moi comme contrebandier, jugez-moi comme tel, mais je vous jure que je suis pas un assassin! Pourtant, les Corses de ton espèce ne se font pas faute en général de jouer d'un fusil ou d'un couteau. Pour accomplir la vendetta, mais jamais pour voler! Donc, tu persistes dans tes dénégations? Je persiste à dire la vérité. Tu prétends que Cadrousse et sa femme, la Carconte, ont assassiné le bijoutier Johannes pour le voler? Je ne le prétends pas, je l'affirme. J'étais dans ma cachette. De là, j'ai vu Monsieur Boussoni donner à l'aubergiste et à sa femme un énorme diamant. Ensuite, le bijoutier Johannes est venu. Il leur en a donné 45 000 livres. Puis je me suis endormi. Tout à coup, je fus réveillé par un grand cri. Le temps de me lancer, tout devint clair à mes yeux. Caderousse et la Carconte avaient disparu. Le bijoutier Johannes baignait dans son sang. Voilà. Naturellement, vous ne me croyez pas. Mais pourquoi n'avoir pas fait chercher ce monsieur Boussoni? Personne ne l'a vu, personne ne le connaît. Voulez-vous me laisser seul avec cet homme? Seul avec le prisonnier? C'est interdit, monsieur. Voici le permis du juge d'instruction. Et si vous voulez en prendre connaissance... Veuillez laisser communiquer avec prisonnier numéro 15, monsieur Boussoni. Vous seriez donc... Oui, monsieur, je suis monsieur Boussoni. Votre permission est en règle. Désirez-vous que j'assiste à l'entretien? Non, laissez-nous, je désire lui parler seul à seul. Comme vous voudrez. Monsieur, si vous êtes véritablement monsieur Boussoni, vous savez que cette histoire du diamant est vraie. Je sais. Et que, bien qu'on m'ait trouvé tout ensanglanté devant le cadavre du bijoutier Johannes, c'est pas moi le coupable. J'en suis persuadé. Alors vous pourrez dire la vérité au juge. Oui, mais... à une condition. Laquelle? C'est que tu me dises comment ton frère est mort. Pourquoi cette question? Ne cherche pas à comprendre, réponds-moi. Il est mort sur l'échafaud. Pour quel crime? Il commettait pas de crime. Il s'est juste vengé de son ennemi. On le tue? Parfaitement. Et à tes yeux, ce n'est pas un crime de se venger de son ennemi? Non. C'était la vendetta. Il était prévenu, il avait qu'à se garder. Et si l'on suit ton beau raisonnement, n'étant pas coupable, ton frère ne peut être qu'une victime? Oui. Et par conséquent, ces juges, des assassins? Oui. Et dans ce cas, pourquoi ne pas les avoir tous tués? Fallait bien choisir. Tant pis, l'un d'eux a payé pour les autres. En cela, j'ai tué M. de Villefort. Tu dis que tu l'as tué? Oui. Tu en es sûr? Bon. J'ai senti le couteau entrer jusqu'au manche. C'était au milieu de la nuit, dans un jardin d'une maison d'Auteuil, près de Paris. Ce n'est pas une raison suffisante. Je l'ai vu tomber à mes pieds, j'ai entendu son cri. Et si, malgré cela, monsieur de Villefort n'était pas mort? Ne crains-tu pas quelques poursuites? Impossible. Comment impossible? Tu assassines un homme, un magistrat, dont l'état et la fonction sont de punir les assassins. Et lorsque tu t'attaques à lui-même, tu crois qu'il aura moins de soucis de sa propre vengeance qu'il en avait de celle des autres. Si même ce que vous dites était vrai, et que M. de Villefort eût survécu à ses blessures, il n'oserait. Oh, citoyen Bertuccio, il ne faudrait pas trop vous y fier. Il n'oserait! Mais je vous en ai trop dit. Ceci est un secret. Un terrible secret. D'abord, je ne sais même pas qui vous êtes. Peu importe. Si tu veux que je témoigne en ta faveur, c'est la condition du marché. Ah non. Pourquoi M. de Villefort n'essaierait-il point de te poursuivre? Parce que lorsque je l'ai frappé, il commettait lui-même un crime. Un crime? Oui. Il enterrait un enfant dans son jardin. Ce n'est pas là un bien grand crime. Non, s'il eût été mort, mais il était vivant. Ah oui, c'est autre chose. Qu'est devenu cet enfant? Je l'ai élevé comme si ce fût mon fils, sous le nom de Benedetto Bertuccio. J'avais pas d'enfant, j'ai cru que la Providence m'envoyait celui-là. Et puis je l'ai perdu de vue. Tu pourrais le retrouver? Je ne désire pas le revoir. Tu me donneras son signalement, je chercherai pour toi. Vous marchez vers un but que je ne connais pas. Et comment deviner vos intentions? Qu'as-tu besoin de comprendre et de connaître mes intentions? Ce qui t'importe, n'est-ce pas, c'est que j'aille dire à tes juges que tu n'es pas coupable. Eh bien, j'y vais. Le cabinet de travail de Morel. Morel et Dantès, vêtus cette fois en abbé. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Morel, s'il vous plaît. C'est moi, monsieur l'abbé. Une personne de bien, dont je ne puis vous révéler l'identité car je suis tenu par le secret de la confession, m'a prié de vous remettre ceci en insistant pour que le tout vous soit remis aujourd'hui même à domicile avant 11h. Mais c'est à peine croyable. Voici ma traite à quitter ce diamant merveilleux pour la dot de ma fille et cette bourse pleine de pierreries et de diamants. Mais je la reconnais. C'est celle du vieux père Dantès, mort il y a plus de 10 ans, que j'avais laissée sur sa cheminée aux allées de Meillan. Enfin, monsieur, comment vous exprimer ma gratitude? Je n'y suis pour rien, monsieur. Un simple commissionnaire. Enfin, monsieur, dites-moi surtout le noble cœur. Monsieur, c'est le secret de la confession. Oh! Oh! Oh! Julie! Ernestine! Nous sommes sauvés! Sauvés, les enfants! Cher et vénéré Morel, ma reconnaissance reste dans l'ombre, comme tes bienfaits. Une salle au palais souterrain du comte de Monte Cristo, alias Edmond Dantès. Celui-ci, Haïdée, domestique. Écoute, Haïdée, tu sais bien que ce n'est jamais moi qui te quitterai. Car ce n'est pas l'arbre qui quitte la fleur, mais la fleur qui quitte l'arbre. J'en suis sûre. Je ne pourrais vivre sans toi. Et pourquoi te quitterais-je? Que sais-je, moi? Nous allons voyager, voir le monde, et dans 10 ans, je serai vieux. Tandis que toi, dans 10 ans, tu seras toujours jeune. Et ici, dans l'île de Monte Cristo, je crains que tu ne t'ennuies. Non, car le matin, je penserai que tu viendras. Et le soir, je me rappellerai que tu es venu. Je revois de grands horizons, d'immenses tableaux, le pain de l'Olympe dans le lointain. Et surtout, j'ai dans le cœur 3 sentiments avec lesquels on ne s'ennuie jamais. La tristesse, l'amour et la reconnaissance. Fille de l'Épire, Haïdée, on voit bien que tu descends de cette famille de déesses qui est née dans ton pays. Mais sois tranquille, je ferai en sorte que ta jeunesse ne sois point perdu, car si tu m'aimes comme tu aimais ton père, moi je t'aime comme mon enfant. Mon père est mort et je ne suis pas morte. Tandis que toi, si tu mourais, moi, je mourrais. Tu m'as dit que tu te rappelais ton père, Heidi. Oui, je le vois encore au moment où il fut tué. Qu'il était grand, qu'il était beau. Le pacha de Janine a au milieu des balles et le cimetière au poing. Et cependant, il succomba. Non, il fut trahi. Trahi par celui qu'il avait couvert de diamants. Par une main à laquelle il avait confié son anneau. Il fut trahi par celui-là même qui aurait pu le défendre. Prends courage, cher enfant, songeant qu'il existe un dieu qui punit les traîtres. C'est le vicomte Albert de Morcerf. Voici précisément le fils de celui qui a trahi ton père, le responsable de sa mort. Rappelle-toi bien, Hédé, mais ne prononce jamais le nom de ce traître, dût-il te ronger le cœur. N'es-tu pas mon maître? Ne suis-je pas ton esclave? Il me semble, mon cher Vampa, que voilà bien des frais pour recueillir un ami dans ma grotte. Il paraît que vous avez la mémoire courte en toutes choses et que non seulement vous oubliez le visage des gens, mais encore les conditions passées avec eux. Et quelles conditions ai-je oubliées, monsieur le comte? N'avait-il pas été convenu, Luigi, que non seulement ma personne, mais celle de mon ami vous était sacrée? En quoi ai-je manqué? Vous avez enlevé ce soir et transporté le vicomte Albert de Morcerf, qui est de mes amis. Et vous l'avez mis à rançon comme s'il était le premier venu pour 4000 piastres. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? Et m'avoir ainsi exposé à manquer à ma parole envers un homme comme le comte de Monte Cristo, qui tient notre vie à tous entre ses mains, de Marseille à Naples et de Gênes à Capri. Par le sang du Christ, moi, Luigi Vampa, si je savais que l'un de vous ait connu l'amitié qui lie ce jeune homme à son excellence, je le tuerais de mes propres mains. Je me doutais bien qu'il y avait quelque erreur là-dessous. Et j'ai voulu vous prouver que Luigi Vampa, le plus grand de tous les bandits romains, était un homme de parole. Il va vous dire lui-même qu'il est désespéré de l'erreur qu'il a commise. Vous rachetez vos erreurs d'une façon aussi galante qu'on serait presque tenté de vous savoir gré de les avoir commises. Et maintenant, monsieur, asseyez-vous. Tel qu'est mon ermitage, je le mets à votre disposition. Tel qu'il est, mon souper vous est offert. Ça nous servit. Si j'avais su avoir l'honneur de votre visite, je m'y serais mieux préparé. Si j'ai bien compris, comme l'honorable marin dont vous avez pris le nom, puisqu'on vous appelle Simbad le marin, vous passez votre vie à voyager. Oui, c'est un vœu. J'en ai fait quelques-uns comme celui-là, qui, je l'espère, s'accompliront tous à leur tour. Vous avez beaucoup souffert, monsieur le comte. À quoi voyez-vous cela? À tout. À votre voix, à votre regard, à votre pâleur, à la vie que vous menez. Mais je mène la vie la plus heureuse que je connaisse. Une véritable vie de pacha. Je suis le roi de la création. Je me plais dans un endroit, j'y reste. Je m'y ennuie. Je pars. Je suis libre comme l'oiseau, j'ai des ailes comme lui. De temps en temps, je m'amuse à railler la justice humaine en lui enlevant un bandit qu'il recherche ou un criminel qu'elle poursuit. Et puis, j'ai ma justice à moi, sans sursis et sans appel, qui condamne et qui absout, à laquelle personne n'a rien à voir. Si vous aviez goûté à ma vie, vous n'en voudriez plus d'autre. Et vous ne rentreriez jamais dans le monde, à moins À moins que vous n'eussiez quelques grands projets à accomplir. Une vengeance, par exemple. Et pourquoi une vengeance? Parce que vous m'avez l'air d'un homme qui, persécuté par la société, a un terrible compte à régler. Et vous n'y êtes pas. Tel que vous me voyez, je suis une espèce de philanthrope. Je parie que vous ne devinerez pas ce que c'est. Ah, ça, je l'avoue. Eh bien, cette sorte de confiture verte n'est ni plus ni moins que l'ambroisie qu'Hébé servait à la table de Jupiter. Et comment ça s'appelle-t-il? Êtes-vous un homme positif et l'or est-il votre dieu? Êtes-vous un homme d'imagination? Goûtez à ceci. Et les choses de l'avenir s'animeront devant vous. Êtes-vous ambitieux? Vous serez roi. Mais non pas roi d'un de ces petits royaumes cachés dans un coin de l'Europe comme la France, l'Espagne ou l'Angleterre. Mais roi du monde, roi de l'univers! Votre trône sera dressé sur la montagne où Satan porta Jésus. En un mot, vous serez le souverain maître de tous les royaumes de la terre. Alors c'est du hashish? Ah ben oui, je connais cela. Enfin, de nom du moins. Justement, vous avez dit le mot, Seigneur Aladdin. C'est du hashish. Du hashish d'Alexandrie, du hashish d'Abou Ghor, le grand faiseur, l'homme unique. L'homme à qui l'on devrait bâtir un palais avec cette inscription au marchand de bonheur, le monde reconnaissant. Goûtez-en donc, mon hôte. Diable, je ne sais pas si le résultat sera aussi agréable que vous le dites, mais c'est assez curieux. Vous y viendrez, et vous comprendrez vite que les Orientaux sont les seuls hommes qui sachent vraiment vivre. D'ailleurs, j'espère bien mourir en Orient. En attendant, je dois me rendre à Paris pour faire concurrence à un monsieur de Rothschild. Quand comptez-vous faire ce voyage? S'il est en mon pouvoir, j'aimerais vous exprimer ma gratitude de m'avoir sauvé la vie et délivré de ces bandits. Vous présenter à mes parents. J'accepte, car je vous jure qu'il ne me manquait que cette occasion pour réaliser de grands projets que je ruminais depuis longtemps. Quand y serez-vous vous-même? Moi? Oh, dans 15 jours ou 3 semaines au plus tard, le temps de revenir en passant par Rome. Eh bien, je vous donne 3 mois. Et dans 3 mois, vous viendrez frapper à la porte? Voulez-vous un rendez-vous, jour pour jour, heure pour heure? Je vous préviens que je suis d'une exactitude désespérante. Dans 3 mois, cela ferait le 27 mai. Alors, disons le 27 mai, à 7 heures du soir. Mais jour pour jour, heure pour heure, cela me convient très bien. Dans l'hôtel particulier de mes parents, chez le général comte de Morcerf, 27 rue du Helder. Ces messieurs vont vous raccompagner. Je m'en excuse, le bandeau. Alors c'est bien d'accord. 27 rue du Helder, le 27 mai, à 7 heures du soir. Parole d'honneur. Parole d'honneur. Les salons de l'hôtel particulier du comte de Morcerf, brillantes et nombreuses assistances. Sont présents M. de Morcerf et son fils Albert, et parmi les invités, Danglars, sa femme et sa fille, M. et Mme de Villefort, etc. On prétend que le baron Danglars vient de perdre 500 000 sur les coupons espagnols. Ah, c'est possible, mais moi je suis sûr qu'ils sont déjà rattrapés à la bourse. Il a vraiment un bonheur insolent. Monsieur Danglars joue à coup sûr, il sait les nouvelles d'avant. Mon cher ami, j'ai faim, nourrissez-moi. Mon cher Danglars, c'est mon devoir d'Amphitryon. Vite, un verre de Kérès et un biscuit pour monsieur Danglars. En attendant, mon cher, voici des cigares de contrebande. Je vous engage à les goûter et à inviter votre ministre des Finances à vous en vendre d'aussi bons. Voyez vous-même de ma part le ministère des Finances, rue de Rivoli, section des contributions indirectes, corridor A, numéro 26. Excusez-moi, voici madame de Valvention. Ah, madame de Valchanceuse, toujours aussi ravissante. Soyez la bienvenue, madame. Vous allez me demander si le comte de Monte Cristo est arrivé, ou s'il doit venir. Eh bien, soyez tranquille, le comte viendra. Nous l'attendons d'une minute à l'autre. Saviez-vous qu'il a un autre nom que Monte Cristo? Non, je ne savais pas. Si, il s'appelle Zaccone. Albert vous le dira. C'est possible. Il est maltais et fils d'un armateur. C'est encore possible. Il a servi dans l'Inde. Il exploite une mine en Thessalie. Oui, oui, oui. Et il vient à Paris créer un établissement d'eau thermale à Auteuil. Oui, alors il dit deux mots à l'oreille du chef et je fus sauvé. Oh, c'est merveilleux. D'après ce que tu m'as dit, on t'a même fait des excuses pour ton arrestation. Oui, mais ce que vous nous racontez là, mon cher, est absolument extravagant. Ce que vous nous racontez, ce Monte Cristo, c'est un... Eccentric man. Tout cela n'empêche pas que le comte de Monte Cristo existe. Mais parbleu, mademoiselle, tout le monde existe. Oui, oui, oui, tout le monde existe. Mais tout le monde n'a pas des esclaves, des palais souterrains, des galeries princières, des armes de musée, des chevaux de course et les maîtresses grecques. Monsieur le comte de Monte Cristo. L'exactitude et la politesse des rois, mais quel que soit leur désir, elle n'est pas toujours celle des voyageurs qui ont 500 lieues à parcourir. Il n'y a qu'en France, paraît-il, où on n'est pas le droit de battre les postillons. Monsieur le comte, je savais que vous tiendriez votre promesse. Et je me suis permis, pour vous honorer, d'inviter quelques célébrités amies. Mais tout d'abord, voici mon père. Mon père, permettez-moi de vous présenter le comte de Monte Cristo, ce généreux prince que j'ai rencontré dans les circonstances difficiles que vous savez. Soyez, monsieur, le bienvenu. Vous avez rendu à notre maison en lui conservant son unique héritier, enlevé par des bandits, un service qui vous vaudra éternellement notre reconnaissance. Je suis très heureux, monsieur, d'être en rapport avec un homme dont le mérite égale la réputation, et pour lequel la fortune exceptionnellement n'a pas fait d'erreur. Oh, monsieur. N'y aurait-il pas encore dans la plaine de la Vitija ou dans la chaîne de l'Atlas un bâton de maréchal à ramasser? J'étais de la première campagne d'Alger et j'aurais donc pu prétendre à un commandement supérieur si la branche aînée fût restée sur le trône. Mais les événements étant ce qu'ils sont. Hélas, nous ne faisons pas ainsi en Italie. Nous naissons. Nous selon notre race et notre espèce, et nous gardons le même feuillage toute notre vie. Monsieur, pour un homme de votre mérite, l'Italie n'est point une patrie. La France vous tend les bras. Monsieur de Villefort. Et voici monsieur le baron d'Anglard, mon futur beau-père. Mais pourquoi m'appelez-vous baron? Vous savez bien, mon futur gendre, que je ne tiens pas à mon titre. C'est vous qui tenez au vôtre, n'est-ce pas, vicomte? Certainement. Étant donné que si je n'étais pas vicomte, je ne serais plus rien. Tandis que vous, vous serez toujours millionnaire. Ce qui me paraît en effet le plus beau titre. Malheureusement, on n'est pas millionnaire à vie comme baron, pair de France ou académicien. Voyez, Frank et Pullman de Francfort qui viennent de faire faillite. Vraiment? Ma foi, oui, j'avais quelque chose comme 1 million chez eux, mais averti à temps, j'en ai exigé le remboursement il y a déjà un mois. Vous êtes bien renseigné. Monsieur le comte de Monte Cristo. Monsieur Franz d'Épinay, Madame de Valjanceuse, Madame Distel, Monsieur Beauchamp, Mademoiselle de Villefort, Eugénie, ma fiancée, la fille du baron d'Anglard, Madame d'Anglard et Madame de Villefort. Vous avez vu sa bague? Oh, quelle admirable émeraude! Ce ne peut être qu'un bijou de famille. C'est décidément un grand seigneur. Oh. Et si je ne craignais de vous fatiguer, je vous emmènerai à la chambre des pères qui tient séance de nuit. Excusez-moi, mais ce soir, votre fils m'a flatté de l'espoir d'être présenté à Madame de Morcerf. Mais n'est-ce point elle-même? En effet. Vous arrive-t-il? Vous êtes horriblement pâle. J'éprouve une grande émotion, je l'avoue. Monsieur, vous avez sauvé la vie de mon fils. Pour ce bienfait, je vous bénis et vous remercie du fond du cœur. Madame, j'ai déjà fait mes excuses à monsieur le comte d'être obligé de le quitter. Mais nous avons une séance extraordinaire à la chambre. Elle s'ouvre à 11h et à minuit, je dois prendre la parole. Allez, monsieur. Je tâcherai de faire oublier votre absence à notre hôte. Et comment ferons-nous pour récompenser ce bienfaiteur de l'humanité? Je ne vois que le prévention. Y a-t-il matière à feuilleton dans ce que vous allez nous raconter? Oh mon Dieu, ma mère, qu'avez-vous dit? Non, ce n'est rien. Vous vous trouvez mal? Non, ce n'est rien. Albert. Vous avez l'habitude du monde. Plus de tact qu'on en a habituellement à votre âge. Croyez-vous que le comte de Monte Cristo soit tel qu'il paraît être? Son âge? 35 ou 36 ans, ma mère. Dans 36 ans, c'est impossible. Et cet homme s'est pris d'amitié pour vous? Je le crois, ma mère. Mais jamais le comte vous a-t-il serré la main? Jamais, et je l'ai remarqué. Jamais vous a-t-il appelé son ami? Jamais non plus. Oh, soyez prudent. Que craignez-vous donc? Le comte ne boit jamais. Il ne joue jamais. Et il est si riche que sans se faire rire au nez, il ne saurait m'emprunter de l'argent. Tu as raison. Et mes craintes sont folles, ayant surtout pour objet un homme qui t'a sauvé la vie. Mais tu le sais, cher Albert, le cœur d'une mère est plein de craintes inexprimées. Savez-vous que ces expériences ont fait faire un grand pas à la science? Oh, voilà qui doit flatter l'amour propre des lapins et qui l'on enfonce des épingles dans la plaie. Comte, si nous faisions quelques pas dans la charmille... Prenez garde, madame, avec cette robe légère. Voulez-vous me tenir un instant en compagnie? Avec bonheur, madame. Nos raisins de France n'ont rien de comparable avec vos raisins de Chypre. Mais vous serez indulgent, n'est-ce pas, pour notre pauvre soleil d'Occident? Comment vous refuser? Je vous prie de m'excuser. Parce qu'il existe, vous le savez mieux que moi, une coutume arabe qui rend éternellement amis ceux qui ont partagé le pain et le sel sous le même toit. Je la connais, madame. Mais ici, nous sommes en France, et non en Arabie. Mais enfin, compte, nous sommes amis, n'est-ce pas? Certainement, pourquoi ne le serions-nous pas? Merci. Est-il vrai que vous avez vu tant de choses? Tant voyagé, tant souffert? C'est vrai, madame. Mais n'êtes-vous point marié? Marié? Qui a pu vous dire cela? Albert m'a parlé d'une jeune et belle personne. Ah oui, c'est Haïté. Une esclave que j'ai achetée à Constantinople, fille de prince, dont j'ai fait ma fille, n'ayant plus d'affection au monde. Alors vous vivez seul? Je vis seul. Vous n'avez pas de sœur? Pas de fils? Pas de père? Je n'ai personne. Comment pouvez-vous vivre ainsi sans que rien ne vous attache à la vie? Ce n'est pas tout à fait de ma faute, madame. Dans l'île de Malte, J'ai connu une jeune fille que j'allais épouser. Lorsque la guerre m'a enlevé loin d'elle comme un tourbillon, j'aurais cru qu'elle m'aimerait assez pour demeurer fidèle, même à mon tombeau. Quand je suis revenu, elle était mariée. C'est l'histoire de tout homme qui a passé l'âge de 20 ans. Et cet amour vous est resté au cœur? Oui, hélas. On aime bien qu'une fois. Avez-vous revu cette femme? Oui. Lui avez-vous pardonné ce qu'elle vous a fait souffrir? À elle, oui. À elle seulement? Alors vous haïssez donc toujours ceux qui vous ont séparé d'elle? Moi, madame? Pourquoi les haïrais-je? Eh bien, monsieur le comte de Monte Cristo, avez-vous oublié que je vous attends? C'est vrai. Excusez-moi. Quelle charmante toilette vous avez! Mais ma chère, vous avez invité le tout Paris! Vous avez une queue comme un mandat de diable! Vous cherchez ma fille, n'est-ce pas? Oui, madame, je l'avoue. Rassurez-vous, Eugénie a rencontré mademoiselle de Villefort et a pris son bras. Tenez, les voici toutes deux robes blanches, l'une avec un bouquet de camélia et l'autre de myosotis. Elles sont charmantes, ne trouvez-vous pas? Mais vous irez les saluer tout à l'heure. J'ai bien le droit de vous garder un peu. Mon cher baron, je pars à l'anglaise. Alors, c'est entendu, demain nous parlerons affaires. Si vous voulez bien venir jusqu'à Auteuil 28, rue de la Fontaine, je viens d'acheter une maison de campagne qui me sert de garçonnière. C'est un peu après Passy, dans une situation charmante au milieu du bois de Boulogne. 28 rue de la Fontaine à Auteuil? Mais ne serait-ce pas par hasard l'ancienne maison de mon beau-père, le marquis de Saint-Méran? Quelle coïncidence! En effet, monsieur de Villefort. Quelle coïncidence! Le jardin de la maison d'Auteuil. Monte Cristo, Bertuccio. Monsieur Bertuccio! Venez donc quand on vous appelle. Monsieur le comte, ce n'est pas une chose naturelle qu'ayant acheté une maison aux environs de Paris, vous l'achetiez justement à Auteuil. Et que l'achetant à Auteuil, cette maison soit au numéro 28 de la rue Lafontaine. J'avais envie de cette maison, monsieur Bertuccio. Et on peut bien se passer un caprice quand ce caprice ne coûte que 500 000 francs. Sans compter les frais d'enregistrement, les frais d'honoraires. C'est que ce jardin, c'est justement celui de l'assassinat. Quel vilain mot vous venez de prononcer là, monsieur Bertuccio. Allons. Venez. Et si vous avez peur de tomber, asseyez-vous donc sur ce banc. Non, jamais, monsieur le comte, jamais. Et pourquoi cela? C'est parce que ce banc, c'est justement celui sur lequel... Oh non, monsieur le comte. Mais voyons, remettez-vous, nous sommes point d'ici à Sartène ni à Corté, encore moins dans le maquis. Oh, monsieur... C'est un jardin... mal entretenu, je l'avoue, mais que je ne vous autorise pas à calomnier. Oh, monsieur le comte, épargnez-moi. Laissez-moi me promener un instant. Les arbres! Voyons, monsieur Bertuccio, me plaisent. Parce qu'ils font de l'ombre, et l'ombre elle-même me plaît. Parce qu'elle est pleine de rêverie. Voilà que j'ai acheté un jardin. Croyant acheter un simple enclos fermé de murs, et tout à coup, ce jardin est plein de fantômes qui ne sont point portés sur le contrat. Or, moi, j'aime les fantômes. Car je n'ai jamais entendu dire que les morts eussent fait en 6000 ans autant de mal que les vivants en un jour. Mais voici de la visite. Faites entrer, monsieur Bertuccio, et dormez en paix. Venez, monsieur. C'est bien à monsieur le comte de Monte Cristo à qui j'ai l'honneur de parler. Lui-même et vous-même. Je suis le comte Andrea Cavalcanti. Et voici la lettre qui m'accrédite auprès de vous et m'autorise à vous demander des nouvelles de ma noble famille, car il paraît que j'appartiens à la noble famille Cavalcanti, inscrit au livre d'or de Florence. Il s'est admirablement sale sang. En vérité, monsieur, ce que vous me racontez là est on ne peut plus intéressant. Vous êtes bien fait de venir, car j'y rêvais pour vous d'un magnifique mariage. Un mariage? Oui, avec la fille d'un banquier. Riche! Millionnaire! Oh, peccato! Mais je vous demanderai de garder là-dessus la plus grande discrétion. Si vous croyez au conte de fées, et que pour tous, vous soyez dorénavant le fils du major Timodeo Cavalcanti. Mais c'est mon fils! Que diable! Qu'avez-vous encore, monsieur Bertuccio? Vous avez la berlue! Il s'agit du comte Andrea Cavalcanti qui arrive d'Italie. C'est Benedetto! C'est mon fils, j'en suis sûr! Ou plus tardant, le fils de monsieur de Villefort. Il s'est échappé du bagne où il était, enchaîné avec le père Caderousse. C'est possible, mais de toute façon, comprenez-moi bien, cher monsieur Bertuccio. Vous avez la fâcheuse habitude de reconnaître les gens qui veulent rester inconnus. Bon. Tenez, voilà un mendiant qui se présente. Eh bien, je ne serais pas encore étonné que ce fût quelqu'un de votre connaissance. Numéro 28 de la rue de la Fontaine. Un savoyard m'a dit qu'il y avait là un bon seigneur bien généreux. Ah. Monseigneur, la charité, s'il vous plaît. Tenez, monsieur Bertuccio. Voici un louis, portez le don à ce pauvre diable. Je ne sais plus qui a dit qu'il prête au pauvre donne à Dieu. Tenez, mon ami. Merci. Mais c'est Caderousse! Bertuccio! Bertuccio! Bertuccio! Je deviendrai fou, moi. Si monsieur le comte Andrea Cavalcanti veut bien me suivre. Pardon. Bravo! Il a enfin compris. Je ne suis pas en retard. Je vous attendais. Asseyez-vous. J'irai tout droit au fait. J'ai reçu une lettre d'avis de la maison Thompson et French, un peu, comment dirais-je, ambigu. Je suis prêt à vous éclairer. Cette lettre que j'ai là ouvre un crédit illimité à monsieur le comte de Monte Cristo sur ma maison. Eh bien, mon cher baron, que voyez-vous d'obscur là-dedans? Oh, rien, seulement le mot illimité. Eh bien, ce mot-là n'est-il pas français? Ou bien est-ce que la maison Thompson et French ne serait pas parfaitement sûre? Cela me contrarierait. Oh, parfaitement sûr, mais le sens du mot illimité est tellement vague. Notez bien, cher monsieur, que personne n'a encore compté avec ma caisse. Alors, il paraît que c'est moi qui commencerai. Tout d'abord, je vous prierai de me faire porter demain matin la bagatelle de 6 millions. De l'or, des billets de banque, de l'argent? Or et billets par moitié, s'il vous plaît. C'est entendu. Demain, avant midi. Mais qu'avez-vous? Vous avez l'air tout soucieux. En vérité, vous m'effrayez. Un capitaliste chagrin est comme les comètes. Il présage toujours quelques grands malheurs au monde. Seulement une banqueroute à Trieste. La banque Jacopo Manfredi. Justement. Oui, oui. Je suis au courant. C'est une fatalité Inouï. Oui, avec mon affaire d'Espagne, cela fait une gentille fin de mois. Eh bien, cher monsieur Danglars, permettez-moi de vous le dire, il faut faire attention. Peut-être avez-vous besoin d'argent, voulez-vous que je vous en prête? Oh, vous êtes bien bon, non, j'ai perdu une bataille en Espagne, j'ai été battu à Trieste, mais mon armée nouvelle de l'Inde aura pris quelques galions, certainement, il faudrait, pour me renverser, au moins que 3 gouvernements croulassent. Ma foi, tant mieux. Toutefois, je voulais vous proposer une affaire des plus sûres. J'ai là, de passage à Paris, le jeune comte Andrea Cavalcanti, l'héritier des anciens condottieri, fortune énorme, grande noblesse, propriétaire de la majorité des actions des chemins de fer d'Italie. Et j'avais pensé qu'un mariage entre ce jeune homme et votre fille Eugénie serait béni des dieux, qu'ainsi vous feriez d'une pierre 2 coups. À première vue, votre idée me semble bonne. J'hésitais à vous en parler, sachant que mademoiselle, votre fille, est promise à Albert de Morcerf. Non, c'est-à-dire que monsieur de Morcerf et moi-même, nous avions envisagé ce mariage pour nos enfants, mais les chemins de fer italiens, ça mérite réflexion. Cependant, les Morcerf, si j'en jure, jugent par leur blason, ne le cèdent pas au Cavalcanti. Oh, vous exagérez. Ils ne s'appellent pas Morcerf, non, je les connais depuis plus de 30 ans. Nous avons fait fortune de concert. Et quand j'étais, moi, commis, lui, de Morcerf, était simple pêcheur. Ah bah. Oui, et on l'appelait Fernand Mondego. Tiens donc, vous en êtes sûr? Oh, pardieu, il m'a vendu assez de poissons pour que je le connaisse. J'ai entendu prononcer son nom en Grèce. Mais à propos de l'affaire d'Ali Pacha. Mais justement, voilà le mystère. Et juste donner beaucoup de choses pour le découvrir. Ce n'est pas difficile. Vous avez bien sans doute quelques correspondants en Grèce qui pourraient enquêter sur place, des amis dans la presse. Un scandale est vite arrivé. C'est ça pour vous le meilleur prétexte à rompre? Oh, c'est une merveilleuse idée. Avant de partir, me permettez-vous de vous présenter le comte Andrea Cavalcanti qui se repose chez moi d'un long voyage? Ainsi, vous pourriez faire connaissance avec votre futur gendre. Mais monsieur le comte, c'est inutile, j'ai toute confiance en vous. Et ce jeune homme est clairvoyant qui songe à faire rouler en France ses chemins de fer aux Italiens. Les loges et le foyer de l'Opéra de Paris, Albert de Morcerf, Danglars, Beauchamp. Loge 23, je crois. Oui, c'est bien cela. Ah, bonsoir, mon cher vicomte. Bonsoir, baron. Mon père vient de recevoir cette lettre à l'instant. Est-elle de vous? Bah, attendez, que je lise avant de répondre. Mon cher comte, il m'est impossible de répondre à ce que vous me demandiez hier soir. Rien ne presse. Ma fille a 17 ans, votre fils 23. De plus, en un jour peuvent tomber les plus cruelles calomnies. Des calomnies? Vous comprenez, monsieur le baron? Eh bien, messieurs, voyons, que se passe-t-il? Mais il y a, mon cher Beauchamp, que monsieur le vicomte Albert de Morcerf ne veut pas m'entendre à demi-mot et m'oblige à la renvoyer au journal L'Impartial. Oui, ce journal coûte peu cher et se vend partout. Est-ce ma faute si les journaux nomment en toutes lettres le comte de Morcerf dans l'affaire du scandale de Jeannine Attenay, monsieur Lisée? L'officier français dont parlait ce matin le journal L'Impartial et qui livra son bienfaiteur au coup des assassins s'appelle aujourd'hui le comte de Morcerf et fait partie de la chambre des pairs. Eh bien, est-ce clair? Quand on marie sa fille à un jeune homme, on a le droit et le devoir même, je pense, de prendre des renseignements sur sa famille. Continuez, monsieur. C'est donc vous qui avez écrit au sujet de mon père à Janina. Eh bien, monsieur, si j'ai écrit, c'est que quelqu'un m'a donné le conseil d'écrire. Ah, on vous a donné ce conseil? Et quelle personne? Je la connais? Vous voulez le savoir? C'est monsieur le comte de Monte Cristo. Vous en doutez? Oui, je l'avoue. Eh bien, monsieur le comte de Monte Cristo est là dans sa loge. Demandez-le vous-même, puisqu'il est de vos amis. Surtout pas de bêtises. J'ai quelque chose de brisé dans le cœur. Tenez, Beauchamp, je suis le plus malheureux des hommes. On ne se sépare pas ainsi en un instant. du respect, de la confiance qu'inspire un fils le nom de son père. Et si vraiment le comte de Monte Cristo est l'auteur anonyme de cet article diffamatoire, il doit nous rendre raison de l'outrage qu'il nous a fait. Hein, c'est vous, monsieur de Morcerf. Me ferez-vous le plaisir d'entrer dans ma loge? Bonsoir, monsieur le comte. Je viens ici vous demander une explication. Une explication à l'opéra? Si peu familier que je sois avec les habitudes parisiennes, je n'eusse pas cru que c'était à l'opéra que les explications se demandaient. Vous auriez pu en saisir l'occasion ce matin. Ce matin, j'ignorais encore qui vous êtes. En réalité, vous ne paraissez pas jouir de tout votre bon sens et vous parlez trop haut. Sortez, monsieur. Oh, je vous ferai sortir aussi. Allons, messieurs, du calme. Pas de scandale à l'opéra. Je vois que vous me cherchez querelle, mon comte. Monsieur, je tiens votre gant pour jeter. Je vous le renverrai. Vous roulez autour d'une balle qui ne vous rattrape pas. C'est tout ce que je veux, me battre. Bon sang, je vous charge du reste. Il me faut les témoins. Il a eu tort de s'emporter. Il était dit que je n'entendrais pas le troisième acte. Heureusement, c'est le moins bon. Il nous faut donc des garanties à l'honneur. Monsieur, je suis une garantie vivante. Nous avons tous les deux dans les veines du vent, du sang, que nous brûlons de verser. Dites au vicomte Albert que demain matin au Bois de Vincennes, avant 10 heures, j'aurai vu la couleur du sien. Il ne me reste donc alors, monsieur le comte, qu'à régler les conditions du combat. Je vous laisse le choix des armes, car je suis sûr de gagner. Sûr de gagner? Certainement. Sans cela, je ne me battrai pas. Et non, vous ne tirez pas, mon fils. Edmond ? Quel nom avez-vous prononcé là, madame de Morcerf ? Le vôtre. Que peut-être seul au monde, je n'ai pas oublié. Car je vous ai reconnu au seul accent de votre voix depuis le moment où je vous ai vu. Edmond, épargnez, mon fils. Qui vous dit, madame, que j'en veux à votre fils ? Une mère a-t-elle besoin qu'on lui dise ces choses-là? J'ai tout deviné, j'ai tout vu. Si vous avez tout vu, madame, vous avez pu constater que le fils de Fernand m'a insulté publiquement. Oh, par pitié, écoutez-moi. Mon fils vous attribue les malheurs qui frappent son père. Madame, vous confondez. Ce ne sont point des malheurs. C'est un châtiment. Ce n'est point moi qui frappe, monsieur de Morcerf. C'est la Providence qui le punit. Pourquoi vous substituez-vous à la Providence? Et que vous importe, Janina? N'êtes-vous bien sûr que ce malheureux Fernand soit la cause de ce massacre? Sur mon âme. Il a fait comme je vous le dis. Vengez-vous, vous en avez le droit. Mais vengez-vous sur les coupables. Sur lui, sur moi. Ne vous vengez pas sur mon fils. Il est écrit. Les fautes des pères retomberont sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Pourquoi serais-je meilleur que Dieu? Parce que Dieu a le temps et l'éternité pour lui, pas nous. Edmond, depuis que je vous ai perdu, j'ai adoré votre mémoire. Ne me forcez pas à ternir cette noble image sans cesse reflétée dans le miroir de mon cœur. Si vous saviez les prières que j'ai adressées au ciel tant que je vous espérais vivant, et depuis que je vous ai cru mort, pendant 10 ans, chaque nuit, j'ai fait le même rêve. On a raconté que vous aviez voulu fuir, que vous aviez pris la place d'un prisonnier, que vous vous étiez caché dans le suaire d'un mort et qu'on avait jeté ce cadavre vivant du haut du château d'Yves. Eh bien, Edmond, je vous le jure, sur la tête de ce fils pour lequel je vous implore, pendant 10 ans, chaque nuit, j'ai entendu un cri terrible qui me laissait frissonnante et glacée. Croyez-moi, toute criminelle que je sois à vos yeux, J'ai bien souffert. Mercedes! Avez-vous senti votre père mourir de faim durant votre absence? Avez-vous vu la femme que vous aimiez tendre la main à votre rival, tandis que vous râliez au fond d'un gouffre pendant 14 années? Oh, mais j'ai vu celui que j'aime et que j'aime toujours, prêt à devenir le meurtrier de mon fils! Mais que me demandez-vous à la fin? Que votre fils vive? Eh bien, il vivra. Merci! Merci, Edmond. C'est ainsi que je t'ai toujours rêvé. Toujours aimé. Puisque vous l'ordonnez, madame, le fantôme va rentrer dans la nuit et mourir pour la seconde fois. Qui parle de mourir et ce duel n'aura pas lieu, n'est-ce pas? Puisque vous pardonnez. Il aura lieu, madame. Et vous avez dit qu'il vivrait. C'est qu'il vivra, n'est-ce pas? Oui, madame. Lui vivra. Merci. Je vous en donne ma parole d'honneur. Je n'ai plus rien à demander au ciel. Je vous ai revu, aussi grand qu'autrefois. Adieu. Dans la maison d'Auteuil, le lendemain matin. Monte Cristo, Haydée, Bertuccio. Excellence. Oui. Excellence, je sais que vous avez défendu votre porte, mais... Mais... C'est le comte de Morcerf. Le comte ou le vicomte? Le comte. Il dit que c'est une affaire d'honneur. Fais-le venir. Oh mon Dieu, monseigneur, n'est-ce point fini encore? Je ne sais pas si c'est fini, enfant bien-aimé, mais ce que je sais, c'est que tu n'as plus rien à craindre. Prenez garde. Pour ce misérable, tous les moyens sont bons. Cet homme ne peut plus rien sur moi, Haydée. Depuis ce matin, il a radié de la chambre des pères. Mercedes, sa femme, a tout vendu et se retire à Marseille. Son fils s'engage dans l'armée d'Afrique. Cet homme n'est plus rien. Ni pour le monde, ni pour moi. Et sur la tombe de ton père, je te jure que s'il arrive un malheur, ce ne sera pas à moi. Puissais-je vous aimer encore longtemps comme je vous aime? Cet homme ne doit pas te voir, Haydée. Laisse-moi seul avec lui. Assez-vous, monsieur de Marsay. Je croyais avoir mal entendu. C'est moi, monsieur. Vous avez eu ce matin une rencontre avec mon fils. Et je sais qu'il avait de bonnes raisons pour se battre contre vous. En effet, monsieur, il en avait de bonnes, mais vous voyez que non seulement il ne m'a pas tué, mais encore il ne s'est pas battu. Et cependant... Il vous considère comme la cause principale du déshonneur de son père et de la ruine effroyable qui aujourd'hui accable ma maison. À quoi attribuez-vous sa conduite? À la conviction qu'il y avait probablement un homme plus coupable que moi. Son père. Vous vous attendiez donc à ce que mon fils fût un lâche? Albert de Morcerf n'est point un lâche. Il m'a fait des excuses, c'est tout. Mais je présume que vous n'êtes pas venu me voir pour me conter cela. En effet. Et puisque les jeunes gens de notre époque ne se battent plus, c'est à leur père de se battre pour eux. Est-ce bien votre avis? Parfaitement. Tant mieux! Vos préparatifs sont-ils faits? Ils le sont toujours, monsieur. Voyez-vous-même. Nous nous battrons jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Vous ne voulez pas de témoins? À quoi bon? Ne sais-je pas exactement qui vous êtes? N'êtes-vous pas le soldat Mondego Fernand qui a déserté la veille de la bataille de Waterloo? Le lieutenant Mondego qui a servi de guide et d'espion en Espagne contre l'armée française? Le colonel Mondego qui a vendu et trahi son bienfaiteur, le pacha de Janina? Et tous ces hommes réunis en un seul n'ont-ils pas fait le général comte de Morcerf, pair de France? Je sais bien, démon, que tu as pénétré dans la nuit du passé et que tu as lu, à la lueur de quel flambeau, je ne sais, chaque page de ma vie. Mais toi-même, qui es-tu? Toi, que je ne connais pas, aventurier cousu d'or et de pierreries. À Paris, on t'appelle le comte de Monte Cristo. En Italie, Sinbad, le marin. À Malte, Belzébuth. Mais c'est ton nom réel que je veux connaître. Au moment où je vais te loger une balle dans le cœur. Cherche bien! Mon nom, tu vas te le rappeler. Regarde mon visage, que malgré les tortures, la vengeance rajeunit. Regarde-moi bien, Fernand! Pour la dernière fois! Edmond Dantès. Morcerf se tire un coup de pistolet dans la poitrine. Justice est en marche. Tu n'as plus rien à craindre, Aïdé. Sois la bienvenue, ange de l'espérance. Le jardin de la maison d'Auteuil. Villefort, Monte Cristo. Je suis très heureux, monsieur de Villefort, de vous faire les honneurs de ma modeste maison de campagne. D'ailleurs, vous la connaissez, puisque cette maison appartenait, je crois, à votre beau-père, monsieur de Saint-Méran. J'y suis venu fort peu. Je n'aime pas Auteuil. En tout cas, j'ai été assez heureux pour que cette antipathie ne me prive pas du bonheur de vous recevoir. Personnellement, j'apprécie ces lieux légendaires. Et si j'ai demandé à mon intendant de refaire la décoration intérieure de cet hôtel particulier, je tenais beaucoup à ce que le jardin reste dans cet état de demi-sauvagerie qui en fait tout le charme. Principalement, ce banc. Et la pelouse. Ça est vrai. Et si vous ne l'aviez acquise vous-même, je connais un de mes ministres qui avait des goûts classiques et qui était très intéressé par ces lieux où Boileau lui-même avait habité. Mais, en vérité, vous la voyez telle qu'elle est, non telle qu'elle a été. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que ce quartier avec toutes ces villas aux fenêtres fermées, aux persiennes closes, et qui donnent sur des jardins incultes où l'herbe pousse dans toutes les cours. Oui, vous avez raison. Si elle n'avait appartenu au beau-père du magistrat que je suis, On aurait pu la prendre pour une de ces maisons tragiques, où un grand crime aurait été commis. Prenez garde, monsieur de Villefort. Ne parlez pas trop de crime. C'est bizarre, la même idée m'était venue à moi. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Mais volontiers, car le temps est à l'orage. En vérité, vous connaissez l'objet de ma visite. Et je suis à peine remis du scandale épouvantable qui vient de frapper notre ami le baron Danglars. Je n'en sais pas plus que ce que les journaux ont bien voulu dire et j'en suis moi-même stupéfait. C'est vrai. Vous n'étiez pas à la réception. Le tout Paris se pressait dans les salons du baron et de la baronne Danglars quand brusquement, au moment de la signature du contrat, un officier de gendarmerie et le commissaire de police de la chaussée d'Antin sont venus arrêter le fiancé d'Eugénie, qui se faisait passer pour le comte Andrea de Cavalcanti, fils d'une noble famille italienne. Mais, en réalité, un forçat échappé du bagne de Toulon, prévenu en outre d'avoir assassiné la semaine dernière dans les rues de Paris un nommé Cadrousse, son ancien compagnon de chaîne. Cette histoire est incroyable. Incroyable, oui. Et d'autant plus étrange qu'à la suite d'une série d'opérations financières internationales, le même escroc qui avait abusé de la confiance de Mademoiselle Danglars a réussi à mettre en difficulté la banque de son père qui, quasiment ruiné, ayant abandonné sa famille, serait parti pour Rome. Vous m'en apprenez de belles. Mais alors, monsieur de Villefort, à quoi puis-je vous être utile? Eh bien, voilà. Je suis chargé de requérir le maximum contre ce prétendu comte de Cavalcanti. Et je sais que c'est vous qui l'avez présenté au baron Danglars. En effet, c'est moi. Mais n'en doutez pas, cher monsieur de Villefort. J'ai été abusé comme lui par sa fausse identité. Et si je me suis permis de présenter au baron Danglars le jeune homme, c'est que je l'ai vraiment cru le fils du marquis de Cavalcanti, dont l'hôtel particulier, Piazza del Popolo, est suffisamment connu à Rome, puisque très habilement il l'a loué au ministre des Finances. Ainsi, vous ne pouvez rien dire de plus sur ce forçat en rupture de banque qui a si bien trompé son monde. Rien. C'est purement une relation mondaine. Or, vous savez mieux que moi que dans le monde, et ce procès, quand aura-t-il lieu? Les débats s'ouvrent demain. Mais, soyez tranquille, je ferai en sorte que notre ami le baron Danglars soit vengé. Car j'ai juré d'exterminer la race des maîtres chanteurs. Bonne chance, monsieur le procureur. Mes voeux vous accompagnent. Et encore une fois, vous me voyez navré de ne pouvoir vous donner plus de renseignements sur ce gibier de haute volée. Vous allez comprendre, baron Danglars, et vous, monsieur Noirtier de Villefort, que toutes vos actions ont laissé leurs traces lumineuses à travers le passé, comme celle du reptile visqueux sur le sable. Et vous allez surtout comprendre comment du fond de la tombe, où il mourait seulement, surgiront des fantômes que vous aviez cru morts. Bertuccio ! Vous m'avez appelé, Excellence. Bertuccio, prépare mes bagages. Nous n'avons plus rien à faire à Paris. Mais n'êtes-vous pas cité comme témoin demain matin au palais de justice dans le procès Benedetto? La justice n'a plus besoin de moi comme je n'ai plus besoin d'elle. Et monsieur Noirtier de Villefort, le procureur criminel du roi qui sort d'ici, tombera bien tout seul dans le piège. En revanche, cher Bertuccio, oh, mon Figaro dévoué et fidèle, Il faut suivre cette fripouille de Danglars qui galope vers Rome. Préviens, Luigi Vampa le plus vite possible, car c'est à Rome que nous nous rendons. À Rome? Mais nous allons tomber en plein carnaval, c'est la semaine du carnaval romain. Eh bien, Bertuccio, raison de plus. Le carnaval, ne serait-ce pas le cas de dire... Va les masques! Au palais de justice, le président, le procureur, c'est-à-dire Villefort, Benedetto, gendarme. Accusé, vos noms, prénoms et qualités. Pardonnez-moi, monsieur le président, de ne pas répondre dans l'ordre de vos questions, car j'ai la prétention d'être une exception aux accusés ordinaires. C'est en effet une bien grande prétention. Et pouvez-vous nous dire votre âge? Et répondrez-vous à cette question? J'ai 21 ans, ou plus exactement, je les aurai dans quelques jours, car je suis né précisément dans la nuit du 27 au 28 septembre 1809. Et où êtes-vous né? À Auteuil, près de Paris. Profession? Faussaire, voleur et assassin. La cour ne peut que vous blâmer de cette espèce de point d'honneur que vous attachez à vos différents crimes que vous qualifiez un peu légèrement de profession. Vous voudriez faire ressortir votre nom par les titres qui les précèdent, que vous n'agiriez pas autrement. En effet. Eh bien, votre nom, enfin! Je ne le sais pas. Mais je connais celui de mon père, et celui-là, je puis vous le dire. Eh bien, dites-le, alors! Mon père est procureur du roi. Procureur du roi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous moquez de nous? Et puisque vous voulez savoir son nom, je vais vous le dire ici, solennellement. Mon père est monsieur Villefort, qui requiert contre moi. Mais c'est faux! Je n'admettrai jamais une aussi odieuse calomnie! Vous jouez-vous de la justice, accusé? Et osez-vous donner à vos concitoyens le spectacle d'une corruption qui, dans notre époque pourtant comblée sous ce rapport, n'aurait pas encore eu son égal? À Dieu ne plaise, messieurs, que je ne cherche à insulter la justice et à faire en face de cette assemblée un rapport inutile. On me demande mon âge. J'ai 21 ans. On me demande où je suis né. Je réponds à Auteuil, 28 rue La Fontaine. On me demande le nom de mes parents. Je ne le sais pas, puisque mes parents m'ont abandonné. Puisque mon père m'a pris dans ses bras en disant à ma mère que j'étais mort, qu'il m'a enveloppé d'une serviette marquée d'un N, qu'il m'emporta dans le jardin et qu'il m'enterra vivant. Certes, je n'ai pas de nom, mais je puis vous dire et vous redire celui de mon père, qui est monsieur de Villefort, et je le prouve. C'est monstrueux! Vous avez déclaré à l'instruction, vous appelez Benedetto, être orphelin et corse. J'ai dit à l'instruction ce que je voulais dire, car je ne voulais pas que l'on arrêtât le retentissement que je voulais donner à ces révélations. Comment avez-vous su tous ces détails difficiles à entendre et qui visent M. de Villefort à qui la cour renouvelle l'expression de sa sympathie? Je vais vous le dire, M. le Président. Dans le jardin où mon père venait de m'ensevelir, un homme s'était introduit qui lui en voulait mortellement et le guettait depuis longtemps. Il le frappa d'un couteau au milieu de cette opération et croyant trouver un trésor, m'emporta vivant encore, d'où il me déposa aux enfants trouvés sous le numéro 57. De là, je fus porté à Rogliano. Et voilà comment, né à Auteuil, je fus élevé en Corse. Et votre mère? Ma mère? C'est la baronne d'Anglard! Les preuves! Prévenue! Souvenez-vous que ce tissu d'horreur doit être soutenu devant le tribunal par les preuves les plus éclatantes. Des preuves! Vous n'avez qu'à regarder, monsieur de Villefort! Mon père! On me demande des preuves! Voulez-vous que je les donne? Non, non, c'est inutile! Comment inutile? Que voulez-vous dire? Oh, cela veut dire, monsieur le président, que je ne résisterai pas plus longtemps sous l'étreinte mortelle qui m'écrase. Messieurs, je suis entre la main du Dieu vengeur. Tout ce que vient de dire ce malheureux jeune homme est vrai! Voyons, monsieur Villefort, vous cédez à une hallucination, remettez-vous! Car chacun de nous conçoit qu'une accusation aussi étrange, imprévue, terrible, ait pu vous troubler l'esprit. Hélas, monsieur le président, je jouis de toutes mes facultés. Et je me reconnais coupable, je le répète, de tout ce que ce jeune monstre vient d'articuler contre moi. Je me tiens chez moi, à la disposition du procureur du roi, mon successeur. La séance est levée et la cause remise à la prochaine session. À Rome, un cachot souterrain dans les ruines du Forum. C'est là que Luigi Vampa et ses bandits tiennent enfermé le baron d'Anglars. Hola ! Descendants de Marius et des Gracques, Baudot de sa sainteté le pape, me donnerez-vous, séant, à manger? J'ai une faim de louve et vous ignorez qui je suis. Per Bacco Presto, donnez-moi mille roses, donnez-moi mio caro, una fatta de spaghetti fumante, oh mio caro! Dentro la testa! Ah, facari, facchini! Pas de doute, je suis tombé aux mains de ces bandits dont nous avait parlé à Paris. Monsieur le comte de Morcerf. C'est bien ma chance, mais ce sont tout de même de singuliers bandits qui, ne m'ayant ni tué ni blessé, m'ont laissé ma bourse, mon portefeuille et ma montre. Oh là, mio caro, il me semble qu'il serait temps que l'on me nourrit aussi. On y va! Ah, monsieur, me ferez-vous pour aujourd'hui un de ces bons petits plats canailles et me donnera-t-on finalement à dîner? Mais c'est enfantin! Et ici, dans les caves du Colisée, on se procure tout ce que l'on désire. En payant, bien entendu. Mais cela va sans dire, quoi qu'en vérité, les gens qui vous arrêtent devraient au moins nourrir leurs prisonniers. Eh bien, c'est entendu. Un poulet pour son excellence. On se croirait au café de Paris. Mais ici, excellence, on paye avant de manger. Ah, mais là, on n'est pas au café de Paris. Alors, tenez, mon ami, voilà un louis. Un louis d'acompte, sans doute. Votre excellence ne me doit plus que 99 900 francs. Bah, dites plutôt que vous voulez que je meure de faim, ce sera plutôt fait. Il est bien possible que ce soit là le projet du maître. Le maître? Qui est-ce, le maître? Celui auquel on vous a conduit hier. Où est-il? Ici. Puis-je le voir? Ah, le voilà! Monsieur. C'est vous qui êtes le chef? Oui. Et après? Oh, je suis très heureux de vous voir. Enfin, c'est une façon de parler, mais dites-moi, quelle rançon voulez-vous que je puisse sortir de ces catacombes? Mais tout simplement les 5 millions que vous portez sur vous. Mais c'est impossible, monsieur, c'est tout ce qui me reste au monde, une immense fortune, je n'ai plus que cela. Prenez plutôt ma vie. Alors, je regrette, excellence, il est défendu de verser votre sang. Et par qui, Prégo? Par celui auquel nous obéissons. Mais ce n'est non pas vous qui êtes le... Je suis le chef de ces hommes, mais il y a quelqu'un au-dessus de moi. Et à qui ce quelqu'un obéit-il? Celui-là n'obéit qu'à Dieu. Ah, voulez-vous 1 million? Non. 2 millions? Non. 3, 4 millions? Mais pourquoi m'offrez-vous 4 millions de ce qui en vaut 5? C'est de l'usure, ça, seigneur banquier, ou je ne m'y connais pas. Oh, misérable, je déjouerai vos infâmes calculs. Mourir pour mourir, je préfère en finir tout de suite. Tuez-moi, torturez-moi, mais vous n'aurez pas ma signature. C'est comme il vous plaira. Oh, alors prenez tout, laissez-moi vivre dans cette caverne. Je ne vous demande même plus la liberté, laissez-moi vivre. Vous souffrez donc bien? Oh, cruellement. Savez-vous qu'il y a des hommes qui ont beaucoup plus souffert que vous? Des hommes qui sont véritablement morts de faim? Oui, mais c'étaient des martyrs. Repentez-vous au moins, baron d'Anglars. Oh, et de quoi faudrait-il que je m'en repente? Du mal que vous avez fait. Oui, oui, oui, oui, je me repens. Alors, je vous pardonne. Il y a assez de morts comme cela. Le comte de Monte Cristo. Je ne suis pas le comte de Monte Cristo. Je suis celui que vous avez vendu, livré, déshonoré. Celui dont vous avez prostitué la fiancée. Celui sur lequel vous avez marché pour vous aussi jusqu'à la fortune. Je suis celui que vous avez condamné à mourir de faim à votre tour. Et qui, cependant, vous pardonne. Car il a lui-même besoin de pardon. Peut-être ne m'avez-vous pas reconnu sous cette cape. Edmond Dantès. Relevez-vous, baron d'Anglars. Vous avez la vie sauve. Pareille fortune n'est point arrivée à vos deux autres complices. Puisque l'un, le comte de Morcerf, s'est suicidé. Et que l'autre, monsieur de Villefort, a perdu pour toujours la raison. Mesdames et messieurs, dans le cadre du 6e Festival d'art dramatique de Provins, l'ORTF vient de vous présenter, retransmis depuis le Théâtre des Remparts, Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas et Auguste Maquet, adaptation en 5 actes de Jean-François Noël et Jean Rougerie. Nous vous en rappelons la distribution: Jean-Claude Drouot, Edmond Dantès, Monte-Cristo, Nathalie Nerval, Mercedes, Madame de Morcerf, Louis Arbessier, Danglars, Jean Brassat, Fernand Mondego, Jean Saudray, Cadrousse, Philippe Kellerson, l'abbé Faria, Hubert de Laparent, Villefort, Pierre Garin, Bertuccio, Raoul Delfos, Morel, Jean Rougerie, l'inspecteur des prisons, et Vallévaldi, Alain Janet, Pierre Lefebvre, Michel Chassin, Michel Paulin, André Chanal, Jenny Bellet, Liliane Patrick, Frédéric Vildan, Monita Derieux, Lucienne Troca, Denise Perrault. Mise en scène de Jean Rougerie. Texte de présentation de Max Joly. Cette version théâtrale du Comte de Monte-Cristo a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 juillet 1965. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.